en direct et en exclusivité pour vous. De 20h à 22h, il revient chaque semaine. C'est... Bah, c'est Jadoul en fait. Jadoul. Bonsoir à tous, nous sommes en direct du plateau C de TMS. Nous sommes comme des fous car je vous le dis, c'est une installation exceptionnelle. On n'a jamais fait ça encore ici à Ilar FM. On a délocalisé tout le studio pour aller sur le plateau qui était juste à côté de nous depuis septembre, depuis qu'on a commencé cette émission. Mais c'est la première fois qu'on l'utilise pour cette émission Jadoul en direct. Ce soir, du monde autour de la table, y compris des habitués de cette émission, mais également des gens qui viennent plus rarement. Voici notre Terence Bernard. Salut à tous. Comment ça va? Ben ça va super, et toi? Ça va, je suis très content de te voir. Mais moi aussi. Ça faisait... Ça faisait trois semaines. Trois semaines, t'as compté? J'ai compté. Ah tiens, ça t'a manqué parce alors. Parce que chaque semaine, je me disais, ah merde, je peux pas aller dans l'émission, ah, j'ai tel truc. C'est dommage. Avec nous, celui qui a besoin de cours d'orthophoniste, mais qu'on recueille ici pour son stage d'orthophonie, Corentin Stock. C'est moi, oui. Alors, tu es sur la piste combien aujourd'hui? 4. 4, donc c'est Corent 4. C'était censé être drôle. Oui, bah oui, Corentin, Corent 4, bon, bref. Et nous avons Kylian Wilfring qui a dû quitter son poste incessamment sous peu car il a eu tout simplement une bonne diarrhée. Bon, incessamment sous peu. Non, je plaisante. Il est dans les alentours de la radio, il est actuellement dans la rue, il prépare ce qui va suivre dans cette émission. Vous deux, vous êtes au courant de rien du tout. On vous a préparé une surprise au bureau cet après-midi. Ah, avec ouais. Kylian. Ce que t'appelles surprise. Oui. Ce que j'appelle surprise, ça va être exceptionnel. Mauvaise blague, quoi. Ouais. Ça va être un cauchemar pour nous, mais bon. Non, ça va vraiment être génial. Vous allez aimer, je pense, en tout cas. On a même un habillage et tout. Je remercie d'ailleurs la voix off, Valentin, qui nous a fait ça cet après-midi. Je lui ai dit, je m'excuse, hein, mais là, il va falloir vraiment que tu nous aides. Kylian est avec nous, il rentre dans le studio, vite fait le tour. Par ici, tu auras plus simple à mon avis. Donc voilà, il fait le tour du studio. Bonjour Kylian, comment ça va? Est-ce que ton micro est allumé? Bah, je pense, hein, oui. Ah, c'est parfait. Comment ça va? Très bien, toi? Bienvenue dans l'émission. Tu viens d'arriver car on était en train de préparer le happening. Est-ce que tu as ce qu'il faut sur ton papier? J'ai ce qu'il faut sur le papier, oui. C'est parfait. Donc c'est-à-dire que dans quelques instants, la plus grande séquence qu'on aura jamais faite dans cette émission et qui n'a jamais été faite à la radio de manière classique va être ici en exclusivité dans Jadoul sur TMS. J'espère que vous êtes bien installés car la soirée va être très longue et très très chouette. J'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. Motivé? Carrément. Ouais. Mon casque a pas l'air super motivé. Une fois il va à gauche, une fois il va à droite. D'accord. C'est pour être dans la polka. Voilà, c'est pour à gauche, okay. À droite. On réglera ça dans quelques instants. De toute façon, on a notre technicien, Corentin Stock. Tout à fait. Donc si vous entendez des merdes techniques aujourd'hui, ça vient de lui. Ou de Thomas qui sait pas se servir des consoles son. Merci, ça il fallait pas le dire. Bien, premier avertissement. Voilà, comme ça c'est pour toi. C'est cadeau. J'ai peur de ta sonnerie iPhone. Hein. Vraiment. Bah, c'est pas une sonnerie iPhone, c'est la petite alerte Ilar FM qu'on a depuis janvier. Ah oui. Voilà. Comme ça depuis septembre d'ailleurs même. Ça fait allez. Deux messages quand même. Vous êtes con. Il faudrait peut-être les ouvrir bientôt. Ouais, ben vous fermez là par contre. Car maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous écouter un petit titre et on revient juste après pour rentrer dans le vif du sujet avec l'actu de la semaine, l'objet du peuple. On aura tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Vous êtes ici chez vous, c'est Ilar FM, Jadoul, l'émission qui ne vous lâchera jamais. En tout cas, pas du moins qu'on sera sur cette antenne. Voici Master Prize de Nono en direct sur Ilar FM. Merci de nous suivre. Vous avez choisi la bonne émission du samedi soir si vous voulez passer un bon moment en notre compagnie. Toujours en direct sur la radio numéro 1 le samedi soir, c'est Jadoul. Non, c'est pas ça. À la plage. Ok, très bien. En fait, on a carrément un téléphone qui est branché avec Spotify. C'est la régie qui est à la plage. Oui. Non, mais là, c'était une pub Spotify. Ben, merci à vous en tout cas. Vous êtes dans Jadoul, l'émission numéro 1 du samedi soir. Enfin, numéro 2 vu ce petit problème technique. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Tous les samedis, de 20h à 22h, vous avez la parole en direct avec Jadoul. C'est bien vrai ce que dit ce monsieur, car vous avez à 100% la parole en direct. Qui a le numéro de téléphone de la radio en tête? Kylian? Non, pas ici. Tu l'as pas? T'es en plus 32 ouais. 49 9 15 75. 112. C'est ça! Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. C'est effectivement le bon numéro, donc félicitations. Tu peux parler à l'antenne, je t'en prie, Terence. J'arrive même pas à retenir le numéro de mes parents, de ma petite copine et de mon fixe, et lui, il retient le numéro de la radio dans lequel il vient. Mais juste parce que t'as bien retenu le 112, il me semble. Mais lui, il a bien compris que c'était son boulot. Toi, t'as pas encore compris qu'il fallait retenir pour ton bien dans cette émission. Donc, est-ce que tu n'es pas du tout au courant de ce qui va se passer dans cette émission, Terence? Corentin non plus. Tout à fait. J'ai besoin de savoir de votre part si vous êtes frileux. Ouais. Oui. Car je tiens à dire qu'aujourd'hui, le temps dehors, c'est un petit point météo, il a fait une température assez bonne pour un mois d'avril. Franchement, du soleil, le ciel bleu. À part aujourd'hui et hier. Bah, aujourd'hui, il a fait bon. Aujourd'hui, oui. C'est l'essentiel. Oui. Donc on parle d'aujourd'hui. Il fait très très bon, donc on s'est dit, on délocalise l'émission et on fait un happening à l'extérieur. Ah oui, donc vous délocalisez dans le studio d'à côté pour voilà. Délocaliser dans le jardin. Parce ou dans la rue ou... On a un système HF, donc un système sans fil qui peut aller dans les alentours de la radio afin d'envoyer l'un de vous quelque part ici à TMS pour retrouver quelque chose. On va vous expliquer tout ça, mais je pense que le mieux c'est d'écouter le jingle attentivement. Ce soir, en direct, 10 clés sont à trouver pour tenter d'ouvrir le coffre sécurisé de la vitrine au cadeau de Jadoul. L'équipe contre les auditeurs qui remportera la vitrine d'ici 22h. Ah, c'est à moi de parler, c'était à bed. D'accord. Donc voilà, vous avez le topo de cette émission. Vous avez tous compris? Oui. Donc, oui. Il y a des clés dissimulées un peu partout. Hélas, je vais pas vous dire des indices, ce serait trop simple. Je vais vous donner des questions, et en fonction des questions, l'un de vous deux, de Corentin ou Terence, ira dehors essayer de trouver quelque part l'indice. Alors moi j'ai un plan ici, je vous montre pas parce qu'il y a les réponses dessus, avec tous les endroits où il y a une clé. Mais que ça crée dans Fort Boyard. Ouais, c'est un mélange de Fort Boyard, de Pékin Express. Je vous le dis, ça va être une grande, grande, grande émission ce soir. Donc, on y va pour les questions. Ça va être... On est en vacances quand même, hein. On est en vacances. Vous êtes fous, vous bossez ici. Donc, je vais vous donner des questions. C'est bonne ou mauvaise réponse, de toute façon. Il n'y a pas de... Ouais, mais j'ai dit qu'à peu près... Ça va être bonne ou mauvaise réponse. Vous êtes prêts, vous deux? Ouais, non. Vous avez une bonne culture générale? Non. Ça dépend sur quoi? Ouais, ça dépend. Vous êtes censé avoir une bonne culture générale, car... C'est sur le Mozambique. Non, car vraiment, on va avoir des questions assez pointues. Mais ah oui. Ouverte des à des tous. Des questions sur les épées, des. On a droit à Wikipédia. Des brochettes. Wikipédia. Wikipédia, non, je suis désolé. Des cure-dents. Non plus. Donc, vous avez compris le principe de cette séquence? Ouais, oui. Tu poses. Et des... donc, le huissier de justice que l'on a aujourd'hui pour vérifier tout ce qu'on fait en ce moment s'appelle Maître Enfoiros. Maître Enfoiros, bonjour. Bonjour. Voilà, alors vous avez bien vérifié que ce jeu est à 100% honnête, il n'est pas truqué. Alors effectivement, j'ai regardé toutes les réponses et tout, et puis je sais où se trouvent exactement les clés. On m'a donné les réponses hier après-midi. Voilà. D'accord, donc vous, Maître Enfoiros, vous... Il y aura Maître Gims dans quelques instants. Vous avez l'occasion de nous confirmer à 100% que ce jeu est honnête. Effectivement, tout est honnête. J'ai bien tout calculé, tout réglé, tout est propre, tout est bon. On vous remercie. On vous retrouvera peut-être dans la suite de cette émission, mais pour l'instant, je vous propose qu'on s'écoute un peu de musique, toujours en direct sur LRFM, et on commencera ce jeu juste après. Donc on lancera un petit jingle et on lancera les questions, et l'un de vous ira les à rattraper. L'extérieur. D'accord? Ah non. Évidemment, c'est le premier qui répond faux. Donc à vous de répondre évidemment. Correctement, sinon ça va pas le faire. Messieurs, dames, vous êtes dans Jadoul. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. We will keep on fighting, the light is coming. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Réagissez en direct sur Facebook, Twitter et Instagram, sur la page de l'émission ou avec le hashtag Jadoul. En direct sur la radio numéro 1 du samedi soir, je vous souhaite la bienvenue. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je me présente, je m'appelle Henri. Non, ça c'est la chanson de... La chanson de... C'est qui chantait ça? Ah, moi je ne parle plus, tu allez. As coupé mon micro, tu voulais plus que je mais parle. Si on t'entend. Non, c'est fini. C'est fini. Allez, comment c'était... Je me présente. C'est pas Daniel Balavoine. Henri. Voilà, ben oui, Balavoine, le chanteur... Mais je m'en balavoine en fait de ce que tu dis. C'est super. Encore une vanne comme ça, tu iras voir dehors s'il y a des balavoines. Bien. Donc, ouais, non, je m'appelle Thomas Jadoul si vous nous rejoignez pour la première fois et je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, Twitter, Instagram ou sur le Snapchat ou également sur... Alors avec son petit accent, je dois dire que ça nous donne des situations assez sympas. Tu as bougé un meup cet après-midi. Tout à fait, je bougeais un meup. Un meup. Donc vous l'écrivez M-E-U-P-P-E. Voilà. Donc, mais non, un meub. Un meub, B-E. Voilà, Belgique. Tout à fait. En flash mob, Gérard. Qu'est-ce que tu parles, je ne comprends pas, moi. Non, Terence, t'as pas d'accent. Tu sais pas les faire. Mais moi, j'ai déjà l'accent belge, donc j'arrive voilà, pas à le faire. Voilà, c'est ça. Tu peux pas les faire. Ça va aller comme ça, moi, je te le dis. Allez, c'est fini. S'il vous plaît. On a Kylian qui est actuellement en plein milieu de la rue à l'extérieur. Il est en dehors de la radio. Mais c'est pas possible, il est payé, il est jamais dans le studio. Je vous explique pourquoi. C'est parce que on doit faire une modification sur notre happening, donc on l'a un petit peu retardé. Donc je vous propose qu'on joigne Kylian en direct, si vous le voulez bien. Et on va tester en même temps le système sans fil, comme ça on va voir si ça fonctionne. Je vais juste l'appeler par téléphone pour qu'il allume évidemment son système. Donc nous sommes en direct, on teste tout, je sais même pas si ça va fonctionner. Hein. Donc là on appelle... Donc ça devrait sonner en principe. Oh, c'est magnifique. Je m'y attendais pas. Oui, allô. Ah, tu es là? Tu peux allumer ton micro? Oui, voilà. Ah, ça y est, on t'a. Donc je te sors de l'antenne au niveau du truc. Voilà, comme ça nous, tu nous entends nous. Très bien. C'est parfait. Oh, c'est génial d'avoir une liaison comme ça. Tu as su faire les modifications qu'il fallait au happening. Oui. Donc voilà. Je ne pleure pas de commentaires. Super. Donc vous avez un commentaire, vous, au lieu de parler dans mon dos. Je disais quel genre de liaison, tu vois, je me posais déjà des questions. Ah. C'est magnifique ça. Putain, mais il est dégueulasse, tu vois, en plus. Mais viens, Kylian. Ah. Bah oui, il prend top. Il est là, il est dans le couloir, il attend avec son micro. Voilà, Kylian est là, donc en direct avec nous. Donc vas-y, installe-toi à ta place. Je te laisse couper ton micro sans fil. Et donc tu as su faire les modifications qu'il fallait. Donc bien évidemment. Parfait. Donc on va pouvoir commencer le happening. Bah on n'attend plus que ça hein. Oh, je suis trop content. Ça va être génial cette émission. Je sens qu'ils sont tous très excités aussi autour de la table. Ils sont très joyeux. Oui. Oh mais Terence, encore une réflexion salace, c'est la porte. Les Tuches 4 en direct sur Ilar FM. Non mais toi t'as un Tuche à toi tout seul s'il te plaît. Donc tu fais encore une connerie, t'es dehors et je rigole pas. D'accord ? D'accord. Ça te va ? Professeur, oui. Donc tout va bien. L'actualité de la semaine, c'est ce que l'on va parcourir tout de suite, si vous le voulez bien, avec les news de la semaine en direct sur Ilar FM. Vous êtes dans Jadoul. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et dans ces news de la semaine, je vais vous parler un petit peu de toutes les actualités qu'il y a eu dans les news qu'on a pu constater là récemment. On a parlé de la semaine passée avec Kylian en direct. De l'attentat à Milan. Non, du truc à Milan. Non, du tout. De la personne qui est décédée après avoir mangé une crêpe à l'école. Ah oui, oui, c'est voilà. Vrai. Donc en fait, je vous explique pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a un enfant. Tout le monde dans l'école savait qu'il était allergique à un produit laitier. Enfin, savait ou savait pas? Ils le savaient tous. Ah, okay. L'enquête a dit qu'ils le savaient. Ah bon. Donc, l'école a failli à sa mission et ça fait que l'enfant a mangé une crêpe et il en est mort. Donc, on a une petite pensée pour lui et sa famille. Mais l'enfant, il sait quand même bien qu'il ne peut pas manger de crêpes. Il le savait, mais quand un enfant... On va poser la question à un enfant en direct. Terence Bernard. Mais clairement, quand t'es. Enfin, non, mais moi, j'aurais été lui, j'aurais pas mangé la crêpe. Mais je veux dire, c'est compréhensible quand on est petit, qu'on peut pas toucher un truc que tout le monde dit ouais, c'est super bon, mais que t'as jamais pu le toucher ouais, parce que t'es allergique. L'enfant, tu sais, il a pas vraiment conscience de ça, si forcément. Tu sais que c'est pas. Il dit, mais forcément, quand pas cool, non, franchement, moi, je suis un animateur en dehors des radios et de l'école. Je suis animateur. J'anime des enfants le mercredi après-midi. Je sais très bien. Tu réanimes. Tu réanimes les enfants. Non, bah, pas animateur radio, hein, mais voilà. Dis-moi, je sais très bien que si jamais il y a quelqu'un qui est allergique, si je lui propose de manger ce dont il est allergique, waouh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Bah forcément, il va le toucher parce que les parents sont pas là, il peut jamais y toucher. C'est le seul moment où est-ce qu'il peut goûter à ce machin-là. Donc forcément, c'est tentant. Est-ce que toi, t'es allergique aux crêpes? Quoi? Est-ce que t'es allergique aux crêpes? Non. Merde, on en a pas. Ah oh, merde, c'est con. Donc, Corentin, est-ce que t'es allergique à quelque chose à part ici, la radio? Oui. Au maths. Au maths? Entre autres, oui, à l'école. Ok. Et sinon? Aux acariens. Aux acariens, oui. Ah, c'est chiant ça pour les draps et tout ça. C'est ça. Ça, c'est, ouais, tu me regardes quand tu dis ça? Parce que t'es petit et embêtant. Et acariens. Et acariens. Et donc, toi, t'es allergique à quelque chose? Ou t'étais allergique? J'étais allergique au lactose quand j'étais petit. Donc, Un petit peu comme le garçon qui est décédé. Merci. C'est rassurant. C'est pas du tout. Tu me rassures. On se moque pas du tout. Hein. Oh non, c'est trash. Un peu comme le garçon qui est décédé. Ah, ok. Non, mais par contre, on savais pas ce que j'avais en fait. Ah bah on sait toujours pas. Mais non, on savait pas que j'étais allergique au lactose. Du coup bah je mangeais pas, je buvais pas, on savait pas comment. Tu mangeais avec des carottes. Voilà, et du coup on a dû aller jusque Bruxelles ou je sais plus où pour voir ce que j'avais en fait. Voir ce que t'avais. Donc, et on m'a donné du jus de carotte. Donc il était tout orange quand il. Voilà, était... je ressemblais à une mais carotte. Mais c'est une histoire vraie. Donc. J'ai survécu. Et donc t'étais allergique au lactose quand t'étais petit et là maintenant tu l'es plus. Là il est plus. Voilà, là j'y suis plus. Il peut boire un litre de lait tranquille. Bon, si je bois beaucoup. Alors que normalement c'est le contraire. Mais si je bois beaucoup de lait, je risque d'avoir la chiasse quand même. C'est plutôt. On est tous contents de le savoir. Bah, on n'a pas besoin des détails non. Génial. C'était la petite anecdote croustillante de Kylian. Ah, plutôt dégoulinante. Ouais. Merci. Oh non, en fait, voilà, il est 20h26, il fallait qu'on ait une vanne vaseuse à l'antenne, donc je te remercie. Suivez en direct toute l'émission sur l'Instagram qui va être très alimenté ce soir. Donc vous allez sur Instagram, c'est HilarFM tout attaché en un seul mot. C'est Kylian, notre community manager. Effectivement. S'en occupe. Voilà. Sans déconner. Alors on m'a mis un effet, je sais pas s'il fonctionne. Est-ce qu'on l'a en direct? Non, pour l'instant non. Donc je vais voir ça avec notre technicien. Donc on va voir ça dans quelques instants. De toute façon, nous sommes bien installés. Ce soir, ça va être une grosse émission. Josiane. Ouais. Kylian. Oh, Josiane. Oh, mon Kylian. Non, c'est bon, allez, c'est bien. Mais il sait pas où se mettre, il a c'est pas bon. Il est entre les deux. En fait, c'est pas. Dans une ancienne entre émission. Kylian et Josiane. C'est, ouais. C'est dans une ancienne émission de sur Hilar FM. Ah oui, c'était dans Jadoul, ça. Dans l'émission Jadoul, oui. Ouais. Donc, on peut vous raconter cette anecdote si vous le voulez bien. Il va vous resituer ce qui se passait dans l'émission. Est-ce que tu es prêt à le faire, Kylian? Oui. Ah bah, on écoute ton anecdote. C'est parti, voici ce qui s'était passé. Et ça s'est passé chez Jadoul. Hein? Il sait plus. Bravo. Là, franchement, tu pouvais pas faire mieux en cette début d'émission. Bah, donc voilà, Kylian vient de nous témoigner en direct à l'instant. Toi, tu dois être une femme. Tu sais, puis tu sais plus, puis bah tu ouais. sais, puis il faut savoir. Quoi. Donc, merci Kylian. Donc, je vais vous resituer ce qui s'était passé dans cette émission. On avait Kylian avait fait une séquence suspense sur une actualité qui s'était passée. C'était Beyoncé qui avait lancé une marque de vêtements. Et alors, du coup, à un moment, pour les chaussettes. Les, voilà. Et il a fait croire que c'était des chaussettes de Beyoncé. Et du coup, ils étaient Kylian. Partis dans un délire complet. Je vous propose de réécouter ça sur le podcast iTunes de Jadoul que vous retrouvez sur l'App Store, le iTunes tout simplement. Je vous propose l'App Store. je vous déconne pas. Vous tapez Jadoul dans l'App Store, vous trouvez quand même le podcast. Ah bah. Donc c'est ça qui est quand même magique avec Apple. Bien, pour ne pas les citer. C'est vrai, maintenant, depuis la mise à jour, ils mettent les podcasts. Ouais, les podcasts et tout, c'est quand même génial. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier car les audiences ont quand même presque doublé depuis janvier. Donc, enfin, depuis février. On est passé de 1 à 2 auditeurs. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. Tu connais... Avec 2 zéros ou 3 quand oui, même. Oui, t'es rancé coup dans la voiture maintenant. voilà. Alors. C'est vrai, hein. Non, c'est quoi, c'est vrai? Terence, il vient ici. Il est 19h30, en plein milieu de l'émission de Kylian, il fait « Ah, j'ai écouté, ah, c'était pas mal, hein. Ouais, et vous étiez en train de dire que ça saturait, mais ça saturait pas du tout, et puis c'était sympa. » Et alors, on se dit mais il nous raconte tout ce qu'on a fait la semaine passée. Et alors, il dit « Ouais, vous parliez de la soupe et tout, mais ça sent pas la soupe, ici, vous racontiez quoi ?» Non mais, Terence, t'as écouté l'émission de la semaine passée en podcast, t'écoutais pas le live. Il est doué. Qui connaît Camilou ici? Moi. Toi, tu connais? Non. Camilou. Ça me dit quelque chose, mais... Ok, bah vous allez écouter, c'est Spacer en direct sur Hilary FM, passez une belle soirée. J'espère que vous passez une belle soirée. Voilà, on est de retour. Et là, on va pouvoir lancer enfin le grand happening avant de s'écouter Skip the Use avec I was made for loving you. Qui parle bien anglais ici? Pas toi, apparemment. Oui, ouais, on t'entend, Kylian. Hein. Oui. Bah voilà. Donc, moi. Toi, tu parles bien anglais? Vas-y, yeah. Petite démo. Dis-nous, bonjour, je m'appelle Corentin Stock, je suis dans Jadoul. Hello. Yes. My name is Corentin Stock. Ouais. I am de Jadoul. Bien. I am de Jadoul. Non, de putain, Jadoul. C'est dégueulasse. Bon. Hello, my name is Corentin Stock. Comme le sketch que vous pouvez entendre sur Hilary FM avec Jean-François Derek, la boîte vocale. Bonjour, tu es sur le répondeur de Déborah. Vous êtes Gérard Bouchard. C'est génial. C'est comme ma prof d'anglais qui dit tomorrow you have to do your prépa. And chaque fois elle fait comme ça, c'est... Ah, c'est exceptionnel. Bien, est-ce qu'on avait encore des petites choses à raconter? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut lancer le grand jeu? Ouais, allez. J'hésite. Car ça va nous lancer jusqu'à la fin de l'émission. Donc si on a des trucs à faire avant, c'est maintenant. Parce qu'après on n'aura plus le temps. Oh donc, non, oh non. Le live Facebook. Oh tiens, ouais, non, on n'y a même pas pensé. Parce que c'est, en fait, c'est dans le local à côté. Donc, ouais, donc on le lancera juste après Skip the Use. D'accord? Ok. Donc, juste après Skip the Use, on fait ça comme ça. On fait le planning en direct. C'est le conducteur qu'on fait ensemble en live. On s'écoute le titre. On lance le jingle de la grande séquence. Et on fait ça en direct. Cette séquence s'appelle comment? Vous le savez? Eh ben non, je vais vous l'apprendre. C'est tout simplement La Grande Fouille. Ça s'appelle comme ça, vous allez découvrir l'énorme jingle. Donc suspect, ça va. Chez le dentiste, normalement, on dit La Grande Couille, mais bon. Il vient de chez le dentiste. Quoi, j'ai pas compris. Le rapport avec le dentiste, en fait. C'est pas grave, c'est quoi, on va t'expliquer hors antenne. C'est... ouais, voilà, c'est ça. T'avais pas une blague avec un chat? Ah oui, ok, j'ai compris. T'avais pas une blague avec un chat ou un truc comme ça, un truc un peu pourri comme ça aussi? Là, je m'en souviens plus, mais elle était tellement mauvaise aussi. Voici en direct la question de la semaine. La question de la semaine. Pardon. Donc, la question de la semaine est bien simple. C'est tout simplement, doit-on euthanasier Terence Bernard? Pas encore, mais là, j'ai encore quelques années à vivre quand même. Oui, on l'euthanasie. Oui, oui, voilà. C'est peut-être mieux, comme ça, on fait ça directement. Comme ça, on en est plus vite débarrassé. Pourquoi vous êtes méchant comme ça avec moi dans l'émission? Voilà pourquoi moi, je viens pas souvent. Non. Alors, si vous êtes content de revoir Terence Bernard, dites-le nous. Suicide.com. Ça va être un déferlement de haine. Mais tous les gens vont dire, bah non, je l'aime pas juste parce qu'ils aiment bien me taquiner. Mais non. Mais bon. Mais non. Quand on taquine les gens, c'est qu'on les aime un peu, non? Voilà. Ouais. Qui châtie bien, aime bien ou pas. Mais. Gangnam Style. Je remarque quand même les carrures ici autour de la table. Il y a des sportifs ici quand même, hein. Quand on regarde, attendez, ici, à main levée, enfin, à voix levée, qui a déjà pratiqué au moins un sport de manière récurrente? Ah bah moi ouais, tous coup. En fait tous, ok, je suis seul regard qui fait pas de sport. Moi il y a plus, en fait ça irait plus vite de dire tous les sports que j'ai pas fait que de dire tous les sports que j'ai fait. Non mais d'ailleurs je discutais l'autre jour, j'étais dans le train, je discutais avec Terence Bernard dans le train et je me suis rendu compte au final de tous les sports qu'il faisait. Et donc tu peux nous faire rapidement un petit bilan, ça va être notre minute info de tout ce que tu fais en termes de sport. Alors je fais deux heures c'est la minute info, pardon. Et j'ai pas l'habitude. Je fais deux heures de foot plus deux heures de match normalement quand j'en fais. Ouais. Normalement je fais plus de une heure et demie de danse par semaine. Ouais. 5 heures de braquage. Non, en plus tous les fois où est-ce que je vais à la salle de muscu, je vais deux à trois. Ah, tu vas en plus dans une salle de sport. Quand j'ai l'occasion, quand j'ai la salle à disposition, etc. J'essaie d'aller au moins 2 à 3 fois par semaine. Et donc, cette semaine, je travaillais par exemple à RTL, ils ont une salle de sport, j'allais tous les jours, quoi. Passement de produit, je t'en prie. Non, mais il faut qu'il case, hein, bien sûr. Je bosse à RTL, voyez, figurez-vous. Allez, on cite deux autres. Alors, il a RFM, TMS Prod. Ça fait depuis octobre que je bosse dans une autre radio, je l'ai pas dit une seule fois ici à l'antenne. Désolé. Oui, oui. Donc, je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était le petit point info sur tout ce que fait Terence Bernard. Donc vous pouvez constater qu'il n'a aucun moment dans sa journée pour se poser les bonnes questions. Plus la. Non, j'allais dire l'escalade. Oui. De l'escalade en plus. Ben je compte en faire, oui. Je compte m'inscrire. Tu comptes en faire. Je compte d'accord. en faire. Derrière oui. chez moi. Ah oui, en parlant d'escalade, n'hésite pas à interagir aussi. Oui. Donc parce qu'il s'endort en fait. C'est pas parce que je vais vous le mettre sur. On va vous le mettre sur Instagram. Grand étiquette avec les prénoms, faut y penser. D'ailleurs, vous avez tous des autocollants, il a RFM sur le bureau, mais il faudrait faire des autocollants avec vos prénoms. Donc, Corentin, lui aussi, il a fait de l'escalade. Tout à fait. Tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, ça consiste à monter le long d'un mur. Pour un con en plus. Non, mais je veux dire, à quelle fréquence? C'était pour se barrer de chez lui. J'en ai fait pendant 4-5 ans. 4-5 ans? Oui. Et t'as grimpé où jusque en 4-5 ans? Bah, sur des murs. Mais il a... sur un mur, et tu montais, tu redescendais? Non, bah, j'ai fait plein de murs différents. J'ai fait aussi de l'escalade. Il a fait le mur à RTL pour voler du matériel. Je pense qu'il a pas compris la blague quand t'as dit 4-5 ans. Non, quand t'as dit 4-5 ans et t'es monté jusque où comme ça? Il avait pas compris la blague. Moi, j'ai compris ce que Terence vient de dire. Bien, nous sommes en deuil hein, quand même, Terence Bernard. Mais c'est revenu, ta blague qui a fait ça. Il est revenu encore plus pire qu'avant. J'ai fait de l'escalade, moi aussi. T'as fait de l'escalade? Oui. Non. Si. Oui, mais je suis il parti, est monté sur j'ai la abandonné, table. Mais j'ai fait de l'escalade. Sérieux? Oui, derrière chez moi. Ah, ah bon? Moi, je suis monté, je suis retombé. Ouais. Alors, je dis, c'est bon, j'arrête. Il est monté sur la table pour attraper le pot de confiture qu'il y avait tout en haut. Non. Si, c'est vrai, hein. Ah bah oui, j'ai vraiment fait de l'escalade, mais je crois pas en plus. Oh bah si, je te crois. D'ailleurs, ce que vous ne croirez pas, c'est que Terence Bernard a très peur de la séquence qui va suivre. On va vous expliquer pourquoi. On va vous dire ça dans quelques instants. Mais là maintenant, place à la musique avec Skip the Use avec I was made for loving you. Oh, j'ai réussi pour la première fois. Bravo, ça s'applaudit. Moi, ma première phrase en anglais. En direct sur Ilar FM, nous vous souhaitons une belle soirée en direct. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Tous les samedis, de 20h à 22h, vous avez la parole en direct avec Jadoul. Il est l'heure de rentrer dans notre nouvelle séquence, la grande fouille en inédit sur Ilar FM. Ce soir, en direct, 10 clés sont à trouver pour tenter d'ouvrir le coffre sécurisé de la vitrine au cadeau de Jadoul. L'équipe contre les auditeurs qui remportera la vitrine d'ici 22h. Juste après, donc ça va le faire, voilà. C'est un bed juste après, merci. Voilà, j'ai eu du mal à reprendre la main parce qu'en fait, je vous explique, les boutons ils bougent tout seuls sur la console. Donc du coup, je comprends rien. Corentin, tu peux m'expliquer? Oui, bon, ça fait 15 ans que ça existe, mais c'est pas grave. Mais il bougeait tout seul. Moi, j'étais là, je voulais monter mon truc et ça marchait pas. Donc, voilà, vous êtes dans cette séquence-là, elle commence dès maintenant. Donc, j'espère que ça va vous plaire. On a mis tout l'après-midi avec Kylian à mettre ça en place. Tu témoignes que c'était assez, costaud. Assez hard, voilà. Oui. Surtout que j'avais mon émission radio en même temps. À préparer, ouais. Donc, c'était assez compliqué. Nous avons nos aventuriers qui sont là autour de la table. Je vous propose de les présenter de loin sans les citer. Kylian, comment tu les décrirais? Des timbrés. Non, on n'a pas demandé de te décrire. Ah mince, mince. Non. Bah, je sais pas, allez. Musclé, courageux. Ouais, ils sont courageux. Mais là, vers la fin. C'est les Warriors de TMS et de Ilar FM. Donc, on vous fait confiance. Tout repose sur vous. Vous jouez contre les auditeurs. Donc, en gros, il y a un objet, comme chaque semaine. Sauf qu'il est verrouillé par une clé. Cette clé, j'en ai le double. Dans son slip. Que je garde dans mon slip. Donc, il a vraiment mis dans le. Il l'a vraiment mis dedans. Ah non, moi je la touche pas, c'est bon, t'as gagné. C'est cadeau. La clé que vous devez trouver, ce n'est pas celle-là. Elle a été cachée dans la rue, à l'extérieur du studio. Ah oui, ok. Donc, vous allez avoir un tas d'indices. Et une des 10 clés que vous allez trouver est la bonne. Kylian, est-ce que ce que j'ai dit jusqu'ici c'est bon? C'est correct? Bah, ça me paraît cohérent, oui. Je présente. Il est sur Insta, donc il sait pas. Il est en train de publier les belles photos qu'on fait durant l'émission. Donc allez sur Instagram d'IlarFM, c'est IlarFM tout attaché en un seul mot. Bien, premier candidat, Corentin Stock. Tout à fait. Prêt pour l'aventure? Non. Non. Il fait froid, il commence à faire froid dehors. Oui, et j'ai pas de pull, j'ai pas de veste, rien. T'as du pas tout. Pris de veste? Rien du tout. J'ai de la peine pour toi. je vais même pas les dire rien. On pensera à toi, c'est pas grave. Et notre suivant candidat, Terence Bernard. Salut à tous. Ça va? J'ai hésité à pas prendre de veste non plus, mais heureusement j'en ai pris une. T'en parce pris que je suis super ça frileux va. En plus. Mais comme t'es un peu enrobé, ça va, ça fera la fin. Non, je rigole. Je suis pas en robe, je suis en t-shirt. Bien. Avez-vous des thèmes sur lesquels vous êtes plutôt fort au niveau questions? Rap. Rap? Ouais, bien, on prendra pas rap. Donc. On s'en fout, tu vois. Non, mais parce qu'on commence par Terence. D'accord, d'accord. Parce qu'on prend le nom de famille, Terence Bernard, CB. Ouais. Pas carte bleue. CB. Non, bah oui. Terence Bernard. Mais non, j'ai dit. On commence par Terence un Bernard. CB. Oh oui. CB. La lettre B. Bien. Wow. Terence a toujours du mal en 2018. Bien. Donc, on va sur un site très connu en termes de questions. Et c'est vrai ou faux, la réponse. C'est pas plus compliqué. Okay. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Terence Bernard? Je suis prêt. Attention. On peut démarrer après le choix du thème. Donc voici les thèmes que je peux te proposer. Nous avons les dinosaures. Ouais, non. Attends, je pense que j'ai déjà lu tous les thèmes. C'est les Césars du cinéma. Ouais, non, il n'y en a aucun qui m'intéresse de toute façon. Prends au pif. Ou la nourriture. C'était plus général, la nourriture. Oui, mais... sans les questions du genre combien de pourcents de chocolat est le mieux pour de chocolat noir est le mieux dans... Ok. Non, je dirais... Tu dirais rapidement s'il te plaît. Allez, ouais. Ah, je sais pas. La nourriture? Les dinosaures. Les... Inattendu. Non, la nourriture, non. Choisis, allez. Non, pas la nourriture, j'ai dit. Donc non. Les dinosaures. Je commence à m'énerver. Bon, on part sur les dinosaures. Ouais. Je fais un petit rappel. Ce que vous entendez de cette manière-là, c'est une mauvaise réponse. Et si vous entendez quelque chose qui ressemble à ceci, c'est une bonne réponse. D'accord? Ok. On est bon? Ouais. Attention, on démarre. C'est parti. Attention. Mon kiki. On y va. La grande fouille. D'accord, j'avais un bouton avec le truc pour démarrer. Merde, je le trouve pas. Qui c'est qui m'a fait mon cartoucheur? Corentin! Non, c'est toi qui te l'ai fait. C'est vrai? Oui. Ah merde, donc c'est moi qui en fous. On avait plus que deux minutes avant que ça commence, c'était pour ça. Ça y est, le démarrage, c'est parti. Première question. Diplodocus assommait ses proies avec sa longue et puissante queue. Ouais, vrai. Vrai? Vrai. Désolé pour toi. Mauvaise réponse. Ah. Désolé c'est pour toi. Pas comme l'émission d'avant où est-ce que j'avais tout le temps vrai, faux, pif. Allez, on y va. Kylian, toi, tu comptes les points. Tiens, hop là. Ok. Un bloc-notes, tu comptes les points. J'ai pas de bic. Ah si, j'ai un bic. T'as un bic. J'ai un bic. Parfait. Le mot dinosaure vient du latin et signifie monstre vert. Vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse. Donc Corentin, une mauvaise réponse? Non, il a pas encore parlé. On donc c'est que Terence, Terence a donné deux mauvaises réponses. Deux mauvaises réponses. J'ai moins de chance que l'autre fois quand même. Hein. Tu te rappelles? Ouais. Alors, vrai ou faux? Argonosaurus était plus lourd que la baleine bleue, l'animal contemporain le plus massif. Vrai ou faux? Faux. Tu dirais faux. Attention, tout se joue là-dessus. Encore une question. C'est l'avant-dernière question. Est-ce que tu es sûr de dire faux? Ouais. Allez, on va vérifier ça dans quelques instants. C'est une bonne réponse. Bravo, une bonne réponse sur deux. Donc, tu peux te sauver sur la dernière question. Ouais. Attention, dernière question. Le stégosaure avait une intelligence similaire à celle des dauphins. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Mauvaise réponse. Donc, le jeu s'arrête là. Et tu as égalité. Autant de bonnes réponses que de mauvaises réponses. N'hésitez pas à intervenir à l'antenne, maître en foiros. C'est important pour le bien de cette émission. Mm-hmm. Donc, très bien. On dirait Burns des Simpsons. Pinaise. Non, ça c'est Homer, merci. Oui, je sais. Donc, je t'invite à nous dire qu'est-ce qu'on fait en cas d'égalité. Alors, on donne une dernière question. Une dernière question. Oui, l'unique. Ok, toujours sur les dinosaures, on y va. Dernière question, c'est parti. Le cyclone gigantesque qui a duré plusieurs années a causé la disparition des dinosaures. Vrai. Vrai. Mauvaise réponse, je suis désolé. Ah, j'hésite à donc, dire faux en plus. Tu vas prendre le micro sans fil que Kylian va te passer. Et le pourquoi, voilà. Pourquoi Corentin ne fait pas lui? Ouais, c'est vrai, moi j'ai pas. Mais parce que c'est d'abord lui. Ah, quoi que vous voulez qu'on joue avec Corentin d'abord? Bah ouais, mais okay, moi je pensais qu'en fait. Oui, je pensais que. Moi je pensais que c'était celui qui avait le moins de bonnes réponses qui allait dehors. Oui, ben non, c'est celui d'abord. On fait une manche à 5 questions. Enfin, à 4 questions. Si t'as fait plus de bonnes réponses que de mauvaises, tu es sauvé. Si t'as fait que des mauvaises réponses, ben tu n'es pas sauvé. Donc du coup, tu es en danger, ce qui fait que tu vas aller dehors pour le premier indice. Juste parce que je m'appelle Bernard et que mon voilà, B arrive ça. Avant le S. C'est ça, ouais. Voilà. C'est nul. Donc, premier indice. Celui-ci se trouve dans un buisson, n'importe lequel, dans les alentours du studio. Je t'invite à aller à l'extérieur. Quelqu'un peut lui passer un téléphone, comme ça on va être en liaison avec lui. On va mettre ça en place dans quelques instants. Ce que je vous propose de faire, c'est que le temps qu'il aille dehors et qu'on l'équipe, on s'écoute un petit titre en direct. Voici maintenant en direct Rusty. Vous connaissez ce titre évidemment sur Ilar FM en direct. En direct sur Ilar FM, vous êtes dans Jadoul, votre émission numéro 1 du samedi soir. Là, en ce moment, on vient de reprendre l'antenne, car Terence, un peu con comme il est parti sans micro. Je vous le dis, c'est la galère. Est-ce qu'on l'a par ligne téléphonique? Allô, Terence? Terence, allô? Oui, allô, je suis là. Ne gueule pas! On t'entend. Ok. Et ne mets pas sur haut-parleur ton téléphone, du con. Merci d'avoir écouté les consignes, en tout cas, Terence. T'es là, Terence? Je suis là. Deux secondes, parce que Kylian me guide vers la vraie sortie. Je suis passé par la mauvaise porte. Je suis d'accord. Passé par l'avant, en fait. Faut passer par l'arrière. Ah bon, faut passer par l'arrière? Je n'étais même pas au courant moi-même. Donc ok, bien. Nous, on reste en studio avec Corentin. Tout à fait, oui. Ça va, toi? Ça va. Donc, t'es bien là, Terence? Oui, je suis toujours là, ne t'inquiète pas. Donc là, tu quittes le studio, c'est ça? Voilà, là, je suis dehors. Ouais, ok. Ok. Oui. Corentin, tu nous confirmes bien qu'on n'est plus que tous les deux dans le studio? Tout à fait, nous sommes tous les deux dans le studio. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de baisser un peu le micro de Terence Bernard assez rapidement? Oui, hein. Bien sûr, ça c'est le tien, donc tu peux le faire souvent. Bien, je vais attendre que Kylian revienne. Kylian, il en est où là? C'est bon, j'ai... Kylian est encore avec toi? Non, il est remonté, mais j'ai déjà trouvé l'indice en fait. T'as déjà trouvé l'indice? Ouais. Mais en fait, tu nous foires le jeu en fait, c'est ça l'idée. Mais quoi, on m'a dit? Ouais, ok. Tu peux parler moins fort dans ton micro, s'il te plaît? 4 fois que je le dis. Je peux pas vraiment parler. Voilà, plus fort, merci, hein, c'est bon. Voilà, merci, voilà, c'est bon. Donc tu as trouvé déjà une clé? J'ai trouvé une feuille de papier dans une haie. On m'avait dit que c'était dans une haie, donc voilà. Ouais, ok. Genre, donc tu as déjà, hein. Tu as déjà un indice. Ouais. Ok. Donc, on va te laisser l'ouvrir gentiment. Donc, est-ce que tu as la clé en main? Ça y est, j'ai la clé. D'accord. Elle est comment? Elle est grise. Elle est grise. Grise en métal. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que c'est la bonne clé? Bah, qu'est-ce que j'en sais moi? Il y a plusieurs clés. Ah bah, il y en a 10 si t'as écouté le jingle. Ah oui, c'est vrai, mais ouf, mais qu'est-ce que j'en sais, moi j'ai pas vu le... Je sais pas. Non, je pense pas, ça m'étonnerait que ce soit la première étape, donc je pense pas. Bah, qui sait, t'es peut-être directement tombé sur la bonne, donc ce que je te propose de faire, c'est de remonter directement dans le studio. Maître Enfoirose va nous dire maintenant que ce n'est pas truqué, il l'a bien trouvé du premier coup, donc... Oui, j'ai bien trouvé. Lui il a trouvé, pardon, j'étais loin là. Ok. Oui. Donc il a bien trouvé, tu remontes, hein, Terence, hein. Ouais. On t'attend, hein. Oui, oui, t'inquiète. Ok, pas. Donc. Ma mère. Ok, très bien. Alors, donc, c'est dissimulé un peu partout dans la rue. Exactement. Et là, c'était. C'est quelle clé? Est-ce que vous savez quelle clé il a déjà trouvé ou pas? Je ne sais plus. Je pense à la 7. La 7. Je vais regarder sur mon plan pour voir où est la 7. Ah, c'est effectivement. On a dit comme indice que c'était un buisson. Peut-être que c'est celle-là. Est-ce qu'il manque des clés sur mon plan? Oui. Ah ben, les compléter les moi. Voilà. Revoilà Terence Bernard. Coupe ton micro. Voilà le petit bouton là. Donc comme ça. Tu reviens dans le studio et passe-moi le micro, passe-moi le micro. Voilà, étant donné qu'il ne sait pas appuyer sur un bouton. Voilà, je te propose de nous montrer la clé et je vais aller vers le coffre. Le coffre de la... Le coffre de la... De la séquence, tout simplement. Ce qu'on a appelé la vitrine de Jadoul avec tous les cadeaux qu'il faut gagner cette émission. Passe-moi la clé. Voilà, donc c'est une clé qui a l'air plutôt ancienne. D'accord, elle est pas vraiment sécure la clé. Qu'est-ce qui se passe là, Kylian, Corentin? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, allez-y à l'antenne. Il y a trois clés que j'ai pas marquées et je sais plus où je les ai mises. D'accord. Ah oui. Donc, j'ai pas regardé. Ouais, donc, voilà. Bien. Donc, il y a trois clés qui sont paumées dans la nature, si je comprends bien. Non, il y en a une des trois que je sais, mais je sais plus le numéro. Ok. On essaye maintenant en direct voir si la clé rentre dans la serrure de la vitrine avec tous les cadeaux Hilar FM. Je me dirige vers la vitrine. On voit bien que la vitrine brille. On ne peut pas rentrer cette clé dans la serrure parce que la clé est trop grosse tout simplement pour la petite serrure que c'est. Donc la première clé n'est pas la bonne. Donc je vous dis qu'il va falloir encore répondre à des questions. Ah. Ouais, et ça va être pas de la tarte étant donné qu'il y a encore 9 clés à trouver d'ici 22h. Et on va donner un premier indice pour les auditeurs d'Hilar FM. Concernant l'objet qui se trouve dans la caverne, je suis métallique. Ceci est le premier indice, notez-le bien. Vous, ça sert à rien de le deviner, puisque vous allez le trouver si vous trouvez la clé. Vous, votre boulot, c'est de trouver la clé. Les auditeurs, c'est de trouver ce qu'il y a dans la caverne. D'accord. L'objet principal. Sinon, il y a d'autres objets dans cette vitrine, dans cette caverne. C'est tout simplement des CD, des compiles et des petits appareils high-tech dont on a toujours le plaisir de recevoir. Mais ce qu'on retrouve, ce qu'on trouve dans la vitrine, c'est pas pour nous, en fait, c'est pour les auditeurs. Si vous trouvez avant les auditeurs la bonne clé, ah oui, c'est pour vous. Ok. Donc c'est la compétition, c'est le principe. Très bien. Il commence à comprendre les règles. Ça fait toujours plaisir de voir ça. D'ici la fin de l'émission, il aura complètement compris. C'est ça. En fait, quand la caverne sera ouverte, il comprendra complètement la séquence. Ça se trouve. Enfin, on va pas non plus trop espérer, car ne soyons pas fous. Ça ne peut pas non plus arriver du premier coup chez Terence. Corentin, ça va être ton tour. Tout à fait. Est-ce que tu es prêt? Oui. Hein. C'est nickel. Eh ben, on fait ça juste après le titre de Musti qui s'appelle The Golden Age. Vous connaissez? Non. C'est l'occasion de connaître un très beau titre en direct. je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après pour Corentin et les questions ainsi que les 9 autres clés de notre séquence. Ce soir, en direct, 10 clés sont à trouver pour tenter d'ouvrir le coffre sécurisé de la vitrine au cadeau de Jadoul. L'équipe contre les auditeurs qui remportera la vitrine d'ici 22h. C'est le mystère qu'on instaure ce soir. Je vous propose maintenant qu'on passe à Corentin Stock qui est là avec nous. Tout à fait. Qu'on passe sur Corentin. Il y a de la place ? Pour passer sur Corentin. D'accord, ok. Merci, au revoir. Voici Corentin. Tout à fait, c'est moi. Et on attaque... Oh non, on va se calmer. Qu'est-ce déjà. C'est le bed. Le bed s'est lancé en fait, mais j'ai pas encore eu le temps de démarrer en te proposant les catégories. C'est quoi un bed? Un bed? Oui. C'est les petites musiques que t'entends à l'arrière. Ah, ok. C'est ça en fait. Non, je pense que c'était une trompe de défense quand tu l'avais lancé. Pas vraiment, pas vraiment. Donc voilà, comme ça tu le sais, comme ça t'es prévenu. Voici la catégorie pour laquelle tu vas essayer de remporter minimum trois bonnes réponses. Ouais. Je te propose les Golden Blogs, la bière ou la France. Ok, je vais directement sortir, hein, parce que. Ou la Belgique, la Belgique, la Belgique, notre Belgique. Voilà. Ah, je pensais que j'aurais pris la bière, moi. Bah, ça a un rapport avec la Belgique, hein, c'est la même c'est catégorie. Est-ce que tu es prêt? Non, toujours pas, mais on va y aller. Je te laisse tourner la clé dans le moteur du jeu. Allons-y. Faut d'abord que je la trouve, la clé. Vas-y. C'est parti. On commence avec la première question. La première question est... Vrai ou faux, le nom commun Spa vient du nom de la ville de Spa en Belgique. Oh, vrai, vrai. C'est vrai. Truche. Bonne réponse. On continue. Pourquoi j'ai pas eu la Belgique, moi? En 1899, en 1899... Ah oui, parce que je me suis dit, là. Le premier véhicule automobile à franchir le cap des 100 km/h était belge. Tiens, vrai, prends ça. Je passe. Faux. Je non, passe. Pas. Non, merde. Bonne, vrai ou faux? Moi je dis vraiment à dire faux. Faux. Mauvaise réponse. Pas de chance. Donc, mais c'est pas fini. T'as encore deux questions. Fait. Exactement. Est-ce que le diplodocus... Suivante question. La Belgique possède plus de 400 km de littoral sur la mer du Nord. C'est de la triche. Vrai? Vrai? Mauvaise réponse. Non? Non. On continue. Vrai ou faux, les gaufres de Liège et de Bruxelles sont identiques? Enfin, mais c'est quoi ça? Mais c'est des Français, à mon avis, qui ont fait les questions. Moi, je hein. le sais. Très voilà. Franchement, je sais pas. Allez, je sais pas, tu sais. Toi qui que... fais bouffer toute la journée. Ça va aller, oui. Non. Allez, vas-y, vite, une réponse. Faux. Je sais pas. Faux. Bonne réponse. Mais sérieusement, mais... Bien. Donc, Corentin a actuellement assez de bonnes réponses, donc il ne part pas dehors. Mais c'est égalité, non? C'est égalité. De bonnes, de mauvaises. Écoute, ah, pardon. Ton maître. Pardon. Voilà, voilà. Lucide justice, attendez. Et on va même réussir à faire égalité avec toi avec des dinosaures, hein, s'il te plaît. Les dinosaures, c'est trop facile. On a notre huissier de justice qui nous fait une alerte en direct. Alors, il y a exactement deux bonnes réponses et deux mauvaises réponses, ce qui fait que Corentin, t'as droit à une dernière question. C'est un présentateur américain. Exactement. En direct. Pose-lui sur les dinosaures, s'il te plaît. Hein? Si tu faisais ça sur les dinosaures. Non, non. Ouais. Allez, on les garde pour toi. Alors, on fait une dernière question pour notre Corentin. C'est parti. On y va. Vrai ou faux? Le seul fleuve. Un seul fleuve traverse la Belgique. Vrai ou faux? Faux. Faux? Bonne réponse, bien. Alors, je te jure, c'est des Français qui ont fait les questions. C'est pas possible, c'est pas des Belges. Bien, on s'est un peu fatigué, vous le remarquez. Vous allez maintenant avoir notre huissier de justice qui nous confirme donc en direct que... Que Corentin a trois bonnes réponses et deux mauvaises. Ok, donc il ne va pas dehors. On passe donc maintenant à... Terence Bernard. J'espère qu'il va pouvoir répondre à toutes nos questions de manière correcte. Tu veux choisir le thème? Je peux choisir la Belgique? Non, ça a déjà été pris. Non, mais sérieusement, t'as fait toutes les questions de la Belgique? Ah oui, oui, oui, bien sûr. Alors, du coup. Le huissier de justice que... peut choisir, s'il faut. Non, non. Donc, non. J'ai bon, pas soit, triché, ça, bon, chut, soit les femmes marquantes. Soit les catastrophes, un rapport en rapport avec Terence, ou alors on a le 20e siècle. Mais c'est quoi ça, sérieusement? Que choisis-tu rapidement? Il n'y a pas encore d'autres propositions? Non, il n'y a que ça. Le 20e siècle? Ça m'énerve vraiment. Le 20e siècle, ouais. On y va. Donc voici les questions en rapport avec ceci. Tu peux tourner à tout moment la clé dans le moteur. L'impression d'être Jean-Michel Zeka. Jean-Michel Zeka. Mais oui, oh mon dieu, la vieille référence. Non, ça c'est Nagui, c'est pas grave. Allez, première question. Durant le 20e siècle, la population mondiale a augmenté d'environ 360%. On rappelle qu'il y a eu le baby boom. Je te donne un indice. Oui, oui, oui, mais non, c'est. Non ? Attends, on était à. Non, c'est pas 360%. Faux. C'est pas possible, tu dis faux ? Faux. Mauvaise réponse. Mais, c'est... Ok. Ok, le gars en LED, il répond encore. Les Khmers. C'est quoi ça ? Rouges ont dirigé la Thaïlande de 1975 à 1979. 79. C'est de la triche. Et lui, il avait. C'est... Quelle est la différence entre gaufre de Liège ? Combien y a-t-il de fleurs en Belgique ? Oh non, mais sérieusement. Allez. Je dirais vrai. Vrai ? Non, faux, faux, faux. Trop tard. C'était vrai et c'est une mauvaise réponse. Non, bah du coup. Donc, on fait encore deux questions. Vrai. C'est encore deux questions, c'est ça, Maître Foros ? Oui. Ok, très bien. J'ai dit vrai. 14 astronautes sont morts dans l'explosion des navettes spatiales américaines. Vrai ou faux ? Faux. Faux ? Mauvaise réponse. On est bon là. Dernière question. Même si. Ça vaut le coup ? Non, ça vaut pas le coup. Vrai ou faux, le premier film parlant, c'est The Jazz Singer, le chanteur de jazz, qui est sorti en 1927. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai ? Et au moins, tu as une bonne réponse. Bien, voilà, ça te fait au moins une bonne réponse. Et je t'annonce, malheureusement, tu dois partir dehors. Donc, je suis désolé, on va devoir encore une fois t'équiper. Vas-y, je t'en prie, tu peux déjà quitter le studio. On va te donner les indices qu'il faut. La liaison est prête. Ouais, on me fait signe que oui. Donc, je vais essayer de l'avoir ici. Je t'en prie, commence déjà à quitter le studio, sinon ça va prendre des heures. Notre huissier de justice vérifie bien les points, c'était bien. Il doit aller dehors, là. Il doit aller dehors, effectivement. Donc, il doit trouver une clé, c'est ça, maintenant ? Oui. Très bien. On va lui donner un indice pour la clé. On va d'abord le faire sortir. Donc, Terence, il y a le micro qui t'attend dans le couloir, juste là. J'espère que tu es prêt à faire ceci avec nous en direct. Bien, il vient de quitter son poste. Nous, on reste ici en studio. Il reste qui ? Corentin et moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêt à aider peut-être Terence dans sa mission. Est-ce qu'on te reçoit ? Montre si ton micro est allumé. Monte ton micro. Bah, il est éteint, bravo. Voilà. Voilà. Là, tu me reçois ? Voilà, je te reçois. Très bien, ma mère. Donc, vas-y. Il est en train de quitter le plateau C de TMS. Oui, on a, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a pris le plateau C de TMS en otage. On est dessus en direct sur LRFM. Vous voyez tout sur l'Instagram que Kylian est en train de gérer actuellement en direct. Oui. Est-ce que tu nous reçois, Terence ? Oui, je vous reçois. Et vous ? Ça va, on te reçoit bien. Donc, tu es en train de quitter les locaux de TMS et d'LRFM. Tu nous dis une fois que t'es dehors ? Je suis dehors, voilà. C'est bien. D'accord. Il fait très noir. Ok, donc très bien. On va. Il fait noir. Tu n'as rien pour t'éclairer. J'ai peut-être le téléphone. Ouais, d'accord. Très bien. J'espère pour toi que tu vas trouver une enveloppe du côté de d'une cabane à outils qui se trouve dans un jardin. Ok. Okay. D'accord ? Oui. Allez, attention, on y va, c'est parti. J'espère que tu vas trouver de ton côté ce qu'il faut pour essayer de ramener au moins une clé. Terence est parti actuellement. Dans les jardins des gens, là, comme ça. Ouais, c'est pas top. Top, top. Enfin, l'air d'être très gentil en plus. Oh non, mes chaussures, non, elles sont blanches. Attends, je retire mes chaussures. Il a des chaussures blanches, c'est vrai. Et on le reçoit bien ici, bravo. 280 euros, non merci. Bravo pour la liaison, en tout cas, ici. Oh. Ça a été fait par des professionnels. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc. Ah, purée, j'ai froid aux pieds. Ah, ouais. Je suis pieds nus. On vous fera une photo pour l'Instagram. Donc, Terence. Oh bah, d'accord. Ouais. C'est mal. De vivre sans toi, oui, on le sait. Donc, est-ce que tu trouves une enveloppe blanche ? J'espère qu'ils ont pas de chien. Non, non, normalement, je pense pas. Allez. Alors, oui, attends, deux secondes. Je peux pas aller plus vite que la musique, désolé. Est-ce que tu vas trouver une enveloppe? C'est le suspense qu'on a ici sur ce plateau. Est-ce que toi, je vois la cabane, Ah, il y a une cabane. Est-ce que toi, tu penses qu'il va la trouver, Kylian? Bah, j'espère, du moins. Je vois une cabane, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est quoi ce bordel? Mais non, elle est pas dans la cabane. Ah, ok. Elle est à côté, quelque part. J'ai encore rien écouté, moi. Je suis vraiment fatigué. Est-ce que tu vas la trouver? Corentin, tes pronostics? C'est bon, je l'ai. Il a l'enveloppe, voilà. Kylian! Il a l'enveloppe. Il revient. Il était parti l'éclairer pour l'aider, mais au final, ça va, il a l'enveloppe. Donc, allez, est-ce que tu peux ouvrir l'enveloppe? Deux secondes. J'ai les mains prises, là. Attends. Oui, bah nous aussi. Tout le monde a les mains prises à un moment. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans l'enveloppe, s'il te plaît? Ça arrive. Encore une nouvelle clé, similaire à l'ancienne en fait. Je dirais même que c'est la même. Ah, d'accord. C'est le double de l'autre clé en fait. C'est le double donc de c'est la mauvaise pas clé. Tu penses que c'est pas celle-là. Tu penses que ce n'est pas celle-là? J'en suis sûr. D'accord. Ok, bah tu peux remonter. J'arrive. Le gong a sonné, donc on t'attend ici dans le studio. On te fait partir de l'antenne. Normalement, tu n'es plus à l'antenne, voilà. Tu peux nous confirmer, vous pouvez mettre en foireos que l'enveloppe était où? Alors, l'enveloppe était exactement dans une petite cage à oiseaux en bois. Une petite cage à oiseaux en bois, d'accord. Voilà. Dans quelques instants, on va poser des questions à notre ami Corentin Stock pour qu'il aille aussi à un moment à l'extérieur, mais pour l'instant il est très content car on rappelle qu'il n'a pas de veste et je ne sais pas quelle température il fait. Est-ce que Terence pourrait nous aider? Terence, quelle température il fait dehors? Non, il nous entend pas. Donc voilà, j'espère qu'il va pouvoir nous dire ça en rentrant. On va vous faire plein de photos pour l'Instagram. Kylian est en train de partir pour en faire. Donc Terence, quelle température il fait dehors? Je dirais au moins 10 000. Attends, parle ici dans mon micro. Je dirais au moins -10 000. -10 000. Tiens. D'accord, ouais, donc t'as très froid. Mais non, pas du tout. C'était quoi la référence, juste pour qu'on sache? Jamel Debbouze dans Astérix. Ah oui, merde, je suis con comme un balai. Donc on va vous faire plein de photos pour l'Instagram. Je vous jure, on est en train de se marrer ici en direct. Donc on va vous lancer un petit titre ou on enchaîne directement avec Corentin? Pardon. Non, là t'étais tout seul. Tu disais? Je disais, est-ce qu'on enchaîne directement avec toi ou on s'écoute un titre? Bah, écoute un petit titre. On écoute un petit titre et en attendant, on vous publie tout ce qu'il faut comme photo. En tout cas, suivez-nous partout en direct, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Et on va vous mettre tout ça en direct sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre, Crystal Fighters, follow en direct. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Réagissez en direct sur Facebook, Twitter et Instagram, sur la page de l'émission ou avec le hashtag Jadoul. C'est pas vrai ça. Donc nous allons retourner en mode la grande fouille. Tel est le nom de cette séquence. Ce soir, en direct, 10 clés sont à trouver pour tenter d'ouvrir le coffre sécurisé de la vitrine au cadeau de Jadoul. L'équipe contre les auditeurs qui remportera la vitrine d'ici 22h. C'est la question qu'on se pose. Donc, Terence est allé à l'extérieur. Il a ramené une clé. Ouais. Qui est identique à la précédente qu'il a ramenée. Bah, je dirais même que c'est la même. Ouais. C'est la même, voilà. Donc, il a deux clés actuellement. On peut l'essayer même en direct. Là, on va du côté de notre grotte. Et on va essayer la clé en direct de Terence Bernard. Est-ce qu'on pourrait me la passer? Voilà, je teste en direct avec la serrure. Ça ne rentre pas, c'est même pas la peine le truc. En même temps, la clé est plus grosse que la serrure. Voilà, la clé est plus grosse que la serrure, donc ça ne va pas du tout. On va vous faire une photo des clés sur le comment Kylian? Instagram. Voilà, et on peut retrouver comment l'Instagram? En mettant IlarFM sur D'accord. Instagram. Parfait. Simplement. On voit bien la triste réalité de Thomas qui n'est pas du tout connecté, qui est de l'ancien temps presque, tu sais. Mais je suis connecté, mais comme je le répète à chaque fois, c'est bien aussi d'alterner avec Kylian comme il est sur son téléphone. Bien. c'est à Corentin maintenant de répondre à des questions. On va corser un peu plus la chose car il a eu un peu de chance quand même sur le précédent sujet. Pas du tout. C'est vous qui devrez faire dans cette. À partir de maintenant, on impose les sujets. Ah, ok, comme ça, direct. Il va jouer avec nous sur le Titanic. Bien. J'espère que tu ne vas pas couler. Notre huissier de justice est en place. Ça, c'est ma revanche. Oui. Donc, on y va. C'est parti. Est-ce que tu es prêt? Tu peux démarrer quand tu veux les questions. Allez, alors. Alors, on y va. Première question. Vrai ou faux, le Titanic a coulé le 12 décembre 1912, soit le 12 du 12 du 12. Vrai ou faux? Non. Faux? Ouais. Bonne réponse. Je lui ai dit de dire faux alors que je pensais que c'était vrai. Je pensais l'induire en erreur. En fait, non. Je me dis, comme j'ai vu qu'il a bien répondu aux questions suivantes, aux questions juste avant, je me dis, je vais écouter ce qu'il dit. Sois pas un sale type, Clarence. Donc, on continue. Suivante question. Vrai ou faux, le Titanic était long de 269 mètres. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Et c'est une bonne réponse. On dirait mais comment il fait? On continue. On dirait moi la semaine passée. Vrai ou faux? L'opérateur radio du navire californien dormait et n'a pas entendu les appels au secours du Titanic. Vrai ou faux? Faux. Faux. Non, ça c'était vrai par contre, je pense. Terence a raison, c'était une. Il fallait dire vrai. Donc voilà, et l'opérateur dormait, donc s'il avait peut-être entendu les appels, il aurait peut-être pu aider le Titanic. C'est tellement con comme mort. Oui, bah. Vrai ou faux, le lendemain du naufrage, les premiers journaux ont écrit qu'il n'y avait pas eu de perte de vie. Faux. C'était faux. Vrai aussi, je crois. Mauvaise réponse. Ah bon? Ils ont titré qu'il n'y avait eu aucun mort. Donc voilà. Faut le faire quand même. Ils ont titré aussi tous sauvés après la collision. Ouais, pourquoi pas? C'est quand même le Titanic. Notre huissier de justice. Alors c'est égalité de nouveau. C'est une vanne? Non, c'est égalité. Oh là là. T'aurais dû dire faux. Allez, bon bah on retourne en mode question. C'est parti. Une dernière question sur le Titanic. Le Titanic consommait entre 600 et 800 tonnes de charbon par jour. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Bien, il est sauvé, il ne va pas à l'extérieur. Tu as une chance de malade. Terence, je suis désolé pour toi. Non mais t'inquiète, Tiens, je te donne déjà ça. Ça va, je vais survivre. D'accord, très bien. Mais j'espère pour toi que ça va aller. Car là, on part maintenant sur quelque chose que tu connais énormément bien, le système scolaire. Donc, on part sur les questions. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ah ben, je t'en prie, démarre les questions. Vrai ou faux, Proxima de Centaure était l'étoile la plus proche du Soleil. Vrai ou faux? Répète, s'il te plaît. Je peux pas répéter, je sais pas prononcer les étoiles. Proxima de Centaure. Vrai. Okay. C'est pour ça qu'on l'a appelé Proxima, ça c'est mon frère qui m'avait dit ça. Donc c'est la plus proche du Soleil, vrai? Ouais. Bonne réponse. Suivante question. La galaxie d'Andromède, qui est notre galaxie voisine, se trouve à plus de 2 500 000 années-lumière. Vrai ou faux? Faux, c'est encore plus loin, je crois. Faux? Oui. Mauvaise réponse. Ah. On continue? Ouais. Vrai ou faux, la lumière prend 100 000 années pour traverser notre galaxie. Vrai. Bonne réponse. On continue. Dernière question. Je suis casé là-dessus, hein, donc. Dernière question, c'est ça? Oui. Non. Merci, Kylian, d'être avec nous. Vrai ou faux, Nicolas Copernic est connu pour sa théorie de l'héliocentrisme selon laquelle le Soleil est au centre et l'univers tourne tout autour. Vrai. Tu dis vrai? Ouais. Attends, non. Bonne réponse. Donc, on est à combien? 3 vrais et une fausse. Donc, Terence Bernard ne va pas dehors. Félicitations. Comme disait la fameuse, la célèbre Mireille Mathieu. Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout. c'est merci à mon frère Maxence parce que il est fan d'astrophysique, donc c'est grâce à lui tout ça. Je le vois sourire juste derrière Terence, car il est complètement dans la lune. On parle. C'est surtout qu'il prépare son petit plan comme ça, tu sais, machiavélique. Vas-y. On parle de Corentin Stock. Tout à fait. Comme tu es dans la lune, je te propose des questions sur... La lune. L'espace. L'émission Apollo. Ah. Donc, on démarre quand tu veux. C'est parti. On y va. Vrai ou faux, il y a deux balles de golf sur la lune. Vrai ou faux? Qui joue du golf sur la lune? Qui joue? Les astronautes. Pour voir la gravité. D'accord. Vrai. Vrai? Bonne réponse. Bah oui, mais tu l'as induit aussi. Pour voir la gravité et tout. Je l'induis pas vraiment. Est-ce que mettre en foireuse, est-ce que je l'induis? Non, pas vraiment, non. Merci, je vous remercie. Vrai ou faux, la fusée Apollo 12 a été frappée deux fois par la foudre, vrai ou faux? Faux. Faux? Mauvaise réponse. On continue. Vrai ou faux, l'astronaute Charles M. Duc d'Apollo 16 est mort quand son parachute de la capsule retour s'est mal déployé à l'atterrissage. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Mauvaise réponse. Il n'y a pas eu de mort. Ça vaut encore la peine qu'on fasse une question? Oui. Oui. Parce qu'on a une bonne et deux mauvaises. Donc s'il se trompe après, bah, il va chercher les clés. Sinon, tout se joue là-dessus. Attention. Durant le voyage... De retour, les astronautes d'Apollo 10 ont battu le record de vitesse pour un humain. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Bonne réponse, bien. Égalité, encore égalité. Une question. Super, merci, c'est génial. Chaque fois. On y va. Dernière question en rapport avec l'émission Apollo. Les trois astronautes d'Apollo 1 sont morts sur la Lune, vrai ou faux? Faux. En même temps. Bonne réponse. Donc voilà. Tu venais de dire avant qu'ils rentraient sur Terre et qu'il avait battu le record. Donc forcément qu'ils ne sont pas morts sur la Lune. C'est de la triche. Voilà, c'est très drôle puisqu'on parlait d'Apollo 12 et là d'Apollo 1. Bon, alors. Toujours très attentif. Hein. Merci pour tout ceci. Donc. Donc il échappe à aller dehors, c'est ça, maître Enfaros? Bah malheureusement oui. Malheureusement non. Heureusement. Bravo Corentin. Comment il fait ça? Terence. Ah ouais. C'est à nous, hein, encore une fois. Juste après Véronique Sanson qu'on écoute tout de suite en direct sur Ilar FM. Ah je l'adore. Ces chansons sont ma drôle de vie, vous connaissez? Bah non, parce qu'il n'y a pas de son sans son. Merci Terence. Bon, le temps qu'on le soigne, on se retrouve dans un instant sur Ilar FM, merci d'être là. Je t'emmène faire le tour. Vous savez ce qui est beau, c'est que nous sommes toujours là dans notre grande séquence qui est tout simplement la séquence que tout le monde attendait qui s'appelle... La nudité. Ah non, non, non, pardon, excusez-moi. Non, ça peut pas être chaque semaine ça. La séquence s'appelle, Kylian, comme tu as bien suivi l'émission. Voilà, il faut retrouver les clés, voilà, c'est déjà bien. La séquence pour lui s'appelle il faut retrouver les clés. Écoute. On m'énerve pas, on m'a dit de trouver les clés, c'est tout. Ah, tu trouves les clés, tout au temps, et après c'est bon. Hein. Voilà, voilà. On dirait limite une espagnole. J'adore. Donc, le jeu s'appelle... La grande fouille. Qui videra la vitrine aux cadeaux en premier? L'équipe ou les auditeurs? Ça te suffit? J'aurais préféré dire, alors Terence trouve les clés, parce que pour l'instant... c'est vrai ça. Ellie vient de comprendre, bravo, merci Terence. Mais toi t'avais eu bon là au dernier quiz, donc tu ne vas pas dehors. Ben non, il faut me reposer des questions encore. Non, maintenant on passe à Corentin. Mais non, je viens de répondre. Non, il vient. Waouh! Oh, c'est moi qui suivais pas! Oh, pour une fois. Oh, écoutez. Oh, pour une fois. Si une fois ce n'est pas moi qui suis, je pense qu'on est bon. Allez, messieurs, vous êtes ici dans votre émission qui ne vous lâchera jamais, c'est Jadoul. Toute l'équipe est là pour vous faire sourire. Et on est samedi, il est 21h28 en direct. On retourne dans notre jeu. La grande fouille. Voici les suivantes questions. Merci Terence d'être concentré. Lui, en fait, il a entendu, je vais vous dire, il a entendu en fait un bed. Donc du coup, il a fait, c'est bon, l'émission est terminée, je me barre. Tu relances une musique, ok, ciao. Voilà, il y a une musique, bah, pff, c'est bon pour moi. Ne te barre pas quand tu vas démarrer le questionnaire, car ce serait un peu con pour toi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme t'es pas très rapide, on va te mettre des questions sur les Formule 1. Non, mais non, sérieux, non. Vraiment, tu sais pas choisir autre chose, s'il te plaît. Parce que c'est vraiment pas ma... Ok, bah les Formule 2. Est-ce que là, merci. Tu es en train de me supplier? S'il te plaît, Thomas. Thomas, j'ai... Je peux pas. Bon. Bien. Admettons. Je veux bien éventuellement changer mon questionnaire. Il va me mettre un truc encore plus fou. Non, il va être plus sympa. Quelque chose qui va te parler. Des catastrophes naturelles, je suis sûr. Le monde des extrêmes. Bien. Ah. Ça te correspond. C'est plutôt le monde des experts, oui. C'est vraiment ça. Du monde réagit en direct sur le +32 49 9 15 75 et sur les réseaux sociaux également. Kylian? Non, sur Facebook, il y a... Ah si, oui, je vois. Il y a Nathalie. Non, mais j'avais pas vu, en fait, il y a un truc qui s'est affiché, du coup, je ne voyais pas. Il y a Nathalie qui nous fait un petit coucou et voilà. Nathalie, pardon. Il y a Julien qui dit que Terence pile les pieds. Ah ok, c'est super, ben on te remercie pour ce commentaire, il est dans la même catégorie que Terence. Tu peux lancer quand tu veux le questionnaire Terence. Vrai ou faux, la couleur rose du lac Hitler est causée par... Merci, est causée par l'abondance des crevettes qui y vivent. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Ah ben bravo, mauvaise réponse. Quoi? Donc, suivant. Vrai ou faux, la superficie de la Russie est plus grande que celle de Pluton. Vrai ou faux? Non, faux. Faux. Et désolé, mauvaise réponse. Quoi? Attends. Donc Pluton, c'est plus petit que la Russie? Oui, la Russie fait 17 098 000 km carrés et Pluton fait 16 millions. Donc genre, c'est moins. C'est une blague. Ah non, oh, non, c'est pas une vanne. Eh, je suis choqué. Ouais, ben Noré, bah va dire ça à ta copine, ça va être bien. Vrai ou faux, le dromadaire peut boire 100 litres d'eau d'un coup? Je dirais vrai. Vrai? Ça me paraît quand même... Ouais. Bonne réponse. On en est où, notre... 3. Maître Gims? Maître Gims. Maître des gants, ouais. alors, une fausse et deux bonnes. Une fausse et deux bonnes? Enfin, une mauvaise et deux bonnes, plutôt. Bien, tout se joue sur celle-là, j'ai bien compris. Ou deux mauvaises et... Waouh. Deux mauvaises et une bonne. Plus voilà. Personne ne suit ici. Donc, deux mauvaises et une bonne. Donc, on doit en faire encore une. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. On continue. Dernière question. Plus de 2,5 millions d'espèces différentes d'insectes vivent dans la forêt amazonienne. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Sûr? Ouais. Bonne réponse. Égalité. Oui. Malheureusement. Merci, Maître le doigt, qui veille Foiros sur les points. Je vous en prie, on va faire une dernière question alors. Vrai ou faux, le désert. En chocolat. Pardon. Merci, monsieur. D'Atacama au Chili est l'endroit le plus sec sur Terre. Vrai ou faux? L'endroit le plus sec. Hein. Donc tout le contraire de toi. Donc. Ok. Quoi? J'ai pas compris. Bref, c'est pas grave. Je dirais faux. Faux? Ouais. Bonne réponse. Mauvaise réponse. C'est un dérapage, c'est mauvais. Chut. Ça, c'est mauvaise réponse. Ça, c'est bonne réponse. En attendant, tu n'as fait que... Ben voilà. L'orange aussi, pour moi, c'est... Enfin, bref. Allez. Ok, très bien. Donc, Maître Enfoiros? Bah, donc, il va devoir descendre et... et fouiller. Et si on fouillait avec Corentin? Non. Tu peux fouiller Corentin, mais bon, ça va pas. Non, mais les gars, il est 43, on se rouille. Allez, Terence, tu quittes le studio, on y va, on retourne en duplex. La liaison, on met tout en place. Merci de suivre. Merci aux équipes d'Hilar FM qui ont fait un travail énorme à 19h. Ils ont tout installé en dernière minute. On a mis sur pied tout un studio radio dans un plateau télé. Un truc magique. Bref, est-ce que la liaison marche-t-elle? Oui, elle marche. Ou pas. Non, ça fonctionne. Tiens, ton micro, je te laisse partir. Vite. S'il te plaît, il repart encore. Il peut nous confirmer une fois de plus qu'il est complètement pieds nus? c'est bien ça? Ouais. Merci. En fait, je viens de comprendre ton petit manège, t'en as marre de moi, du coup tu me fous dehors. Tout à fait. Super. Donc, c'était truqué. Voilà. Nous sommes connectés en permanence sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir toutes les photos de ce qui se passe pour comprendre un petit peu. Nous sommes également en Facebook Live. Tout à fait, oui. Qu'on peut retrouver comment? En allant sur le Facebook de Hilar FM. Merci bien. Allez, on va faire un petit point Terrence, un point de côté. Si tu pouvais m'appeler, peut-être ah oui, ce serait mieux. Oui, j'ai oublié. Donc, j'appelle tout de suite la liaison, parce que oui, on fait une liaison hybride entre un téléphone et un système HF. Donc, c'est en direct, je vous le dis, c'est la grande catastrophe, ça rassera. Donc, on t'entend. Et tu m'entends? Merci, tu peux te taire. Tu peux te taire. Vraiment. T'es là? Oui. T'es là ou t'es pour l'eau? T'es là ou t'es pour l'eau? Allez. On t'était. Notre huissier de justice va me donner une enveloppe. S'il vous plaît. Avec, merci. Il me dit s'il vous plaît après. Il fait froid? Ouais. Il fait froid, d'accord. Je crois pas qu'il fait si froid que ça. L'enveloppe 3 se trouve près au pied d'un arbre. Au pied d'un arbre. Achat. Je vous rappelle que Terrence est en dehors du studio. Il est dans la rue actuellement et il a pour mission de retrouver des enveloppes avec des clés afin de débloquer le cadeau des auditeurs. Donc voilà. Va-t-il le trouver? Va-t-il trouver cette clé qui est au pied d'un arbre? On lance tout de suite le chrono. C'est parti. Donc le temps est compté pour toi. On te laisse trouver et tu nous fais une petite alerte dès que tu as quelque chose. D'accord, Terrence? Ça marche. Il fait bon dehors? On va dire que c'est le temps belge, quoi. Voilà. Le temps belge qui est approximatif. Ok. Ouais, on va dire qu'il fait vraiment, vraiment froid. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Surtout donc, quand on est pieds nus. Ah oui, on rappelle, il est pieds nus, on oublie ça. Oula. Thomas, excuse-moi, je vais te couper, mais là, l'appel vient de s'interrompre. Je ne te reçois plus. Ah oui, bah c'est normal, c'est pas grave, je te rappelle. Si tu m'as entendu. Oui. Oui, je dis oui, mais il n'entend pas. Donc je refais la liaison. Donc voilà, parce qu'en fait, il m'entend grâce à un téléphone et nous, on l'entend grâce à un micro. Un système un peu compliqué, mais nous, tant qu'on le comprend, c'est essentiel. Allez, voilà, on l'a. Pourquoi il m'a raccroché à la gueule? Il est con. Oh, mon Dieu. Bien, je retente une dernière fois. J'espère que tu vas me rappeler. Mais je fais que ça. En plus de ça, je trouve pas la clé. On n'a pas un système avec un casque? Si, éventuellement, d'accord. Allez, il décroche, s'il te plaît. Ça y est, ah. Ça y est, je t'ai. Merci, enfin. Donc, est-ce que tu trouves dans le noir? Pas trop. Donc là, j'allume la lampe torche. La lampe torche, c'est Indiana Jones. La lampe torche. Parce que des herbes, il y en a quand même pas mal dans la rue, tu vois. Donc, c'était pas. Ouais. C'est pas très cool, vous êtes vraiment pas gentil aujourd'hui. Hein. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Donc, voilà. Ça va, tu trouves? Non, franchement, je ne trouve pas. C'est pas au pied d'un arbre. Oui, ben merci, il y en a 50. Dans un parc. Ah, je viens de marcher sur quelque chose. Ah. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça pique. Bon, tant pis. C'est un animal? Je sais pas. Si tu dois mourir ou que t'as une maladie, va dans les temps. Hein. Donc là on le voit, on le voit sur un système comme un peu Snapchat au niveau de la carte. Il est à peu près on va dire à combien de mètres du studio? Là il est... Ah ça y est, 300 mètres. Ça y est, je l'ai. Tu as une clé? Oui non. Bravo. Bravo Indiana. Bravo Indiana. Le suspense est à son comble. Peux-tu ouvrir l'enveloppe? Attends, oui, attends, deux secondes. J'ai encore une fois les mains prises. On veut pas tout savoir. Il a encore accroché, mais qu'il est con. Oh. Il est bête. Et l'appel qui vient de se couper. Bah oui, bah bravo, t'as raccroché. Ah, mon Dieu. J'ai la clé. Tu as la clé? Voilà, je pense qu'il y a peut-être moyen que ce soit celle-là. Ok, donc, elle ressemble à quoi la clé? Je remonte du coup, hein. J'attends pas que tu me rappelles. Mais si! Ah merde, il m'entend pas! Allez, il faut que le standard fasse l'appel là, parce que sinon on va pas l'avoir. Allez. Mais comment ça peut couper? Désactive, il faudra désactiver les réseaux Wi-Fi et voilà, tout le bazar. Voilà, ça y est. Oui, tu as la clé, et est-ce qu'elle ressemble à ce qui pourrait être la bonne clé? Je pense, y a moyen. Ok, on coupe le chronomètre qui était en route jusqu'ici. Et on va attendre que tu reviennes dans le studio, on t'attend, d'accord? Ça marche. Ok, voilà, on le quitte, on le fait partir de l'antenne. Je coupe également son micro ici. Et je vous propose qu'on fasse un petit débrief. Est-ce qu'il a trouvé assez rapidement selon vous? Un peu long, je trouve. Voilà, la dernière est un peu longue. C'est vrai. Mais regarde, on n'avait même pas besoin de voir sortir, j'étais déjà à l'intérieur. Vous savez qu'il n'y a plus que 10 minutes, on a trouvé 3 clés. Donc là, il faut les enchaîner. Faut dire qu'il fait noir quand même dehors. Il fait noir dehors, effectivement. Donc c'est pas évident. C'est plus compliqué. Bravo, Terence Bernard. Voilà, et c'est une clé. J'espère que c'est la bonne. J'espère que c'est la bonne. Attention, je vais près de la grotte. Ça sent la grotte ici. Je prends la clé de la vitrine au cadeau de Jadoul. Cette clé est celle qu'il a ramenée de son expédition. Va-t-elle rentrer dans la serrure ? On teste en direct. Ah, ça ne rentre pas, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, je suis désolé. Donc ce sera peut-être la prochaine que Corentin va essayer de nous trouver maintenant en direct. On enchaîne directement les questions, c'est parti. Ah non, non, non, le moteur, on y tient. Tu veux le démarrer ? Bah, bien sûr. Est-ce que t'es prêt ? Tu nous fais un petit compte à rebours ? Tiens les clés, tiens. Lui, il a une moto 50, je crois. 3, 2, 1... C'est des questions sur les océans, très bien ? On y va. Bah, j'ai pas le choix, de toute façon, donc. vrai ou faux, toujours, c'est le même principe depuis le début de cette émission. Alors, vrai ou faux, la Méditerranée est une des mers intérieures sans contact avec les océans. Ok, il n'y a pas d'autres océans autour de la Méditerranée. Vrai? C'est complètement faux. Alors, tu sais pas où elle est ou quoi? Je suis nul en géographie. C'est dans le sud de la France. On a Jean-Claude qui vient du sud de la France. Oh, je viens du sud de la France, effectivement. Il y a la mer, il y a la Méditerranée. Il y a la mer, il y a la pétanque aussi, hein. Très bien, on en parlera dans un instant. La plus grande partie des océans baigne dans le noir complet. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Bonne réponse. On continue. Vrai ou faux, les chutes du Niagara se jettent dans l'océan Atlantique. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Mauvaise réponse. Attention, une dernière question. Dernière question. Vrai ou faux, il existe un requin 3 fois plus gros qu'un éléphant. Vrai ou faux? Vite. Faux. Faux. Sérieusement? Mauvaise réponse. Une dernière question. Une dernière question, c'est une égalité? Non. Il a raté. Oui, il a raté, oui. On dirait au conseil de classe. Non, il a raté, là, on peut plus rien faire. Il a raté. Tu veux qu'on appelle tes parents? Donc, est-ce que tu es bon pour une liaison? Prends quand même le deuxième micro. Quel genre de liaison? Prends un deuxième micro au cas où. Une liaison sentimentale. Non, je plaisante. Une liaison en HF, en filaire, en tout ce que tu veux. Est-ce que je peux crier un coup pour... Alors, la revanche. Alors, l'indice, on va faire la photo de la clé. Voilà pour Instagram. Ouais. Et Corentin, oui. Comme tu es muni de chaussures, toi, tout à fait. Je te propose d'aller. Et moi, je les garde. Tu es 3. Ton micro, c'est le 3, c'est ça? Non, 4, c'est 4. 4. 4, ok, merci. Donc, je te propose d'aller trouver la clé qui se trouve près d'un étang. En sachant qu'on est dans une région où il n'y a absolument pas d'eau, je te propose de trouver un étang ici dans les alentours. D'accord. Dans les 1 km aux alentours, d'accord? Faut pas vite dans que les tu, temps, hein, faut pas que dedans. Cours, faut que tu cours parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez, alors. Désactive tout ce qui est wifi et tout ça et sois bien sur le réseau pour ne pas que ça coupe. Ça n'a rien à voir. Si, parce que ça peut appeler en FaceTime. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut couper car tu captes plus le wifi du studio. C'est pour ça que ça peut couper. Merci Corentin. Avec plaisir. Tu pars en expédition. Tout à fait. Et moi, je te récupère ici via le standard. Allez, on fait nos pronostics. En combien de temps il va trouver la clé? Allez, 2 minutes. 2 minutes. Très bien. Tu vas lancer un chrono, Kylian, quand je vais te faire signe. Quand il va être prêt, surtout. Je vais essayer d'établir la liaison avec notre ami Corentin, qui est parti maintenant dehors pour la première fois. Depuis cette émission, est-il en place? C'est la question que je me pose. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Voilà, ça va, je ne t'entends pas hein, là, donc. Oui, et tu nous entends? Je cours dans le noir. Allô, Corentin? Je t'entends pas, je vous entends. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous entends? C'est normal, mais qu'il prenne l'autre micro, ce bouffon! Putain, fais chier! Allô, oui! Je me suis cassé la gueule dans les temps, effectivement. Oui, prends l'autre micro! Il s'est cassé là. T'entends toujours pas, hein? Tu m'entends pas? Putain, tire tes écouteurs, c'est ça qu'il disait qu'il merde. Tu m'entends? C'est Mais prends l'autre micro. Tu veux que je descende, con? Tu veux que je descende pour... oui, oui. Cours après lui pour essayer de lui dire truc. On a lancé le chrono, hein, c'est parti. Va-t-il trouver? Donc tu lui dis d'allumer son autre micro et de tirer ses écouteurs. Et garder ses chaussures. Voilà. Oui, c'est lui possible. Il a des chaussures. Il a de bonnes chaussures. Donc ça fait combien de temps là, maître Enfaros? Ça fait 35 secondes. 36, va-t-il trouver? 37. C'est la question qu'on se pose. J'espère que vous êtes à fond comme nous dans ce jeu. Ah oui, on t'entend. Parce que je ne sais pas si. On t'entend. Toi, vous m'entendez? On t'entend, mais avec le mauvais micro. Prends l'autre micro, celui-là c'est une galère. Corentin, on va l'avoir par liaison téléphonique. Corentin. Corentin. On dirait que le mec il est à l'hôpital. Corentin. Il voit que t'es encore là, Corentin. Réponds. Bon, allô. Y'a quelqu'un? Voilà, je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Tu nous entends? Oui. Ou pas? Mais c'est moi. Mais qui oui. parle. Merde. Mais il a quoi avec son mais téléphone moi, je là? Je vous entends toujours pas. Mais oui, mais t'es con. Oh purée. Est-ce qu'on m'entend? Ah là là, mon dieu. Je le rappelle, j'espère que ça va mieux aller. Allô, cette fois-ci. Allô. Et il a débranché ses écouteurs ou pas? Ouais, ok. Terence est revenu, hein, pour info. Ouais, Terence vient de revenir dans le studio après avoir été prévenir Corentin dehors. Il fait toujours froid dehors, je parie. Ah. Voilà. C'est bon, tu nous as? Je vous ai. Oh, bah il était temps. Tu viens de nous faire perdre 2 minutes d'antenne. Tu nous les rachèteras. Donc, est-ce que tu peux aller vers un... Est-ce qu'il y a un étang dans les alentours? Oui, je suis tombé dedans. Non, sérieusement. Non, il l'a dit. Je sais, sérieux. Et il l'a dit. Il a dit, je suis tombé dans l'étang, je me suis cassé la figure dans l'étang. Non, mais l'étang... Dit, oui, allume ton micro. Le champion du monde, il est quand même tombé dans l'étang. Mais il fait noir. C'était pas trop profond. Va dire ça à mes chaussures. Ah merde. Ah, tu vois pourquoi, merde. Hein. T'as compris merde. Maintenant. Bah, tire tes chaussures si tu veux pas les salir. Mais non, va me promener à pieds nus. Tu veux un maillot? Ouais, on s'appelle pas Terence. Bon. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire exactement à... 21h56, tu es parti depuis combien de temps, Kylian? Moi, je suis pas parti, moi. Non, mais Kylian, il est parti depuis combien de temps? Ah là, bah là, en tout, ça fait déjà 2 minutes 35. 2 minutes 36. Est-ce que tu peux nous trouver la clé assez rapidement? Une enveloppe blanche. Une enveloppe blanche? Blanche. Tu dois la trouver, c'est comme les chaussures. Ah non, les chaussures de Terence ne sont plus blanches. Ouais, mais surtout qu'une enveloppe blanche dans le noir, non, ça doit être noir. Elles étaient pas blanches, mais. Ouais, allez, donc tu as une lumière au moins sur toi? Oui, oui, oui. Donc pour rappel, il est absolument dans la rue. Il y a pas beaucoup d'éclairage public, on a dissimulé des enveloppes dans la ville avec des clés. Pas d'éclairage du tout. Oh, j'adore, je suis fan. C'est vraiment un sadique cet animateur. Vous foutu où votre enveloppe? Ah, ça il faut demander à Maître Enfaros. Un petit indice de Maître Enfaros. C'est laquelle? Près de l'étang. Près de l'étang. Magnifique, ça aide beaucoup. Alors, il y a du bordel autour. Il y a du bordel autour. Voilà, c'est autour de l'enveloppe, il y a du bordel apparemment. Voilà. Il y a du bordel autour. Ça ne m'aide absolument pas. Merci, Maître Foros. Maître en Foros, sinon la vanne elle marche pas. Foros. Oui, j'ai mais si, parce que c'est un forest. Foros. Et là, je pense qu'il commence à être très loin car on commence un peu à perdre la liaison. Bah oui, quand quoi même. Quoique, non, on te reçoit super bien, je dois dire. Comment tu fais? Mais... T'as des micros de fou, toi? Ouais, c'est génial. Donc, y en a une au moins. Attends, mais Maître Enfaros. C'est sûr qu'il y a votre enveloppe. Et j'ai fait 15 fois le tour de l'étang. Laquelle avez-vous choisi, monsieur? J'ai choisi celle-là. Là? Ouais. Ah oui, oui, elle est bien mise. Et c'est la bonne clé qui est dedans, au moins. Ah, ça, j'en sais rien. Si tu veux, je viens chercher avec. Non, c'est bon. De toute façon, à 22h, on va lancer tout le monde dans la rue. Hein. Vous avez pas oublié de mettre l'enveloppe par hasard? Merci pour moi de me mettre aussi à la rue. Non, on a vraiment toutes les enveloppes qui sont dissimulées. Allez. Parce que j'ai fait 15 fois tout de l'étang dans chaque sens, mais il n'y a pas d'enveloppe. Allez, il y a une enveloppe. Maître Enfaros va donner des indices. Elle n'est pas autour de l'étang, elle est en dessous du gros arbre. En dessous d'un arbre? Oui. Ah, mais elle est autour de l'étang. Putain, mais moi je fais le tour de l'étang depuis tantôt. Regarde, tout autour, il n'y a pas d'arbre. J'adore. Évite les gros mots. Et il a froid parce qu'il a pas de veste, on le rappelle. Oui, je cours pour pas avoir froid, mais... tu vas où, toi? Peut-être aller l'aider un petit peu. Tu vas l'aider? Oui. Okay. Bah, attends, okay. passe-lui ma veste. Ouais, prends la veste de Terence. Comme il est gentil, Terence. C'est surtout parce que j'ai chaud. Il est super toi, gentil. Hein. Tiens. Voilà. On n'épargne pas les odeurs. Allez, bon, alors, tu trouves? Non, je ne trouve pas, putain. T'énerve pas. Donc il t'a trouvé. Il y a une... pas d'enveloppe, hein. Mais si, il y en a une. Mais non. Mais ça si. Ça me fait tellement plaisir que tu. Allez. Que j'ai ma revanche là, tu sais. Merde, il a raccroché. On l'a perdu. On l'a perdu. On va essayer de le rejoindre. Cette émission, je vous le dis, messieurs dames, elle part dans tous les sens. On n'a même pas eu le temps d'écouter tous les disques qu'on devait écouter. Moi, je ne t'entends plus. Oui, ben moi non plus. Tu aimes l'émission jusqu'ici? Oui, oui, j'aime bien. Ah, moi j'adore, moi. Voilà, t'es là? De l'autre part là. Si, je suis là. Ah bah, Kylian est parti t'aider. Donc le temps qu'il te rejoigne, il faudra au moins 4 minutes, tellement que t'es loin. Magnifique. Il n'y a toujours quand même pas d'enveloppe. Hein. Voilà, et on remercie quand même les micros du studio de TMS Télévision qui sont quand même ultra okay. puissants, qui permettent d'aller jusqu'à là-haut. Regarde un arbre près d'un étang. Regarde l'étang, regarde peut-être un arbre autour et c'est tout quoi. Voilà, Kylian te rejoint de toute façon. Quoi? Mais c'est pas près de l'étang ça, putain. Je pense qu'il a trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Mais il y a Maître Enfoiros là qui vient. Il monte des arbres qui sont à 15 km de l'étang. Ah, j'adore, j'adore. Fais-nous signe quand t'as trouvé. Hein. Quoi? Fais-nous signe quand t'as trouvé. Un petit message de Maître Enfoiros. L'enveloppe a été enlevée. Il n'y a plus d'enveloppe, voilà. Non. Me dis pas que c'est. Quelqu'un c'est... a volé l'enveloppe. Me dis pas que c'est moi qui l'ai prise. Attends. Attends, voilà. Moi j'étais auprès d'un arbre. Attends, parce que. Non. Oh non. L'enveloppe est portée disparue. Passez-moi Maître Enfoiros. Je vous passe Maître Enfoiros. Ok. Ouais. Oui, je n'entends rien. Oui, moi, j'ai pas de donnez-lui un écouteur, quelque chose. Voilà, vous êtes là, Maître Enfoiros. Allô. Allô. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, mais très faible. Donc voilà, Maître Enfoiros, je pense que Terence a pris l'enveloppe que Corentin est en train de chercher. On m'a dit au pied d'un arbre, j'ai vu un arbre, j'ai pris, je me suis pas dit, tiens, il est près d'un enveloppe, du coup. Alors du coup, on change d'enveloppe. L'enveloppe suivante se trouve. Près d'un arbre, tout court, au pied d'un arbre. Donc. Près d'une citerne d'eau. Ah. Une citerne d'eau. Ok. Je voulais chercher. Allez, c'est voilà, bon Maître Enfoiros va vous laisser chercher. J'espère que vous allez trouver rapidement. Car là, il commence à être 22h. Je cherche après l'autre. 22h, j'espère voilà, vraiment. Je n'entends pas. Tant que je cherche. Il cherche l'autre. D'accord. Ah. Allez, est-ce que Maître Enfoiros revient vers nous ou pas? Il cherche l'autre enveloppe. T'écoutes ou pas? Oh, je suis fan. Bon. J'ai la citerne d'eau. Ah, d'accord. J'ai toujours pas l'enveloppe. Allez, il y en a une pas loin. Oui, bah, vous m'avez dit ça où c'est que l'étang, hein. Ah, je l'ai trouvé. Il a une enveloppe. Wouh. Faut arrêter ça. Ok, alors. Il y a des blagues sur les enveloppes. Il y a des blagues sur les enveloppes. Sérieux? Oui. Oh mon dieu, j'ai pas vu. Il écrit quoi sur les enveloppes? En fait, il y a un chiffre, la chiffre 5, mais qui est dégueulasse, en fait, qui est mal fait. Et c'est marqué, ceci est un 5 déguisé. Dégueu, pas déguisé. Ah, dégueu, d'accord. Allez, Maître Enfoiros. Je trouve ça tellement avec con. Plaisir. Maître Enfoiros, Corentin, revenez au plus vite. On vous attend dans le d'accord, studio. D'accord, on revient au plus vite, alors. Voilà, on fait le débrief avec Terence en studio maintenant. Je pense qu'on tient une séquence absolument folle ici. Ah, je suis très content. C'est une magnifique émission qu'on passe jusqu'ici. Terence, je pense qu'on est au sommet là. Ouais, vraiment pas mal la blague du sac déguisé. J'aime cette bien. Émission restera dans les annales. Oui, ben on va le sortir de l'antenne là parce qu'on l'entend encore. Hein. J'ai avancé de ça. Puis ben, c'est bien, on s'en fout. Comment vous dire? Quittez l'antenne. Voilà, c'est bon, ils sont sortis. Donc, on va attendre qu'ils reviennent ici dans le studio. Je vous le dis, on s'amuse comme des dingues ce soir. Réagissez hashtag Jadoul sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Et franchement, on pouvait pas faire meilleure soirée que celle-ci. Terence, on va déjà enchaîner sur des questions. Comme ça, on ne perd pas une seule seconde, si tu le veux bien, en tout cas. Allez, hop, on passe en mode question. Je te laisse démarrer le moteur à question. Ben, ça dépend si c'est la bonne clé, mais ouais, vas-y. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Attention. C'est la combientième émission depuis le début de la saison ici, dans Jadoul? Allez, je sais pas moi. Est-ce qu'on nous entend? 13e. Oui, on vous entend. Non, oui, 18e. 18e. La 18e émission depuis le début de la saison? Ouais. C'est la 22e. Fini quand même en chaussettes. Ah. Hein. Voilà. C'est vrai? Ah merde. Oui, on t'entend pas. Prends le micro de Kylian. Heureusement que j'ai bien répondu, hein, parce que. Voilà. Donc, on est en plein quiz avec Terence. Il a fait une bonne réponse, Maître Enfoiros, notez-le. Une bonne réponse pour... non, une mauvaise réponse, pardon. On y va, on continue. Alors, on continue. Vrai ou faux, si vous êtes en Patagonie, vous trouverez soit au Chili ou vous vous trouverez en Argentine. Vrai ou faux? Au Chili. Au Chili? Oui. Donc vrai ou faux? Vrai. Vrai? Oups, pardon. Mauvais jingle. Bonne réponse. Un petit suspense. Une bonne réponse. Donc d'accord, une mauvaise, une bonne. Si la clé c'est la bonne, non. Une mauvaise, une bonne. On continue. Vrai ou faux, les Jeux Olympiques oui, d'hiver de 2018 auront lieu à Kyoto, au Japon. Faux. Non, faux. Faux. C'était. Je pense que c'est dans un. Faux. Bonne réponse. On enchaîne. Vrai ou faux, la petite sirène se trouve dans le port de Copenhague. Vrai ou faux? Vrai. Tu dis vrai? Vrai. Ah, en Danemark. Bonne réponse. Bravo. Bien. Donc il est bon. Il est bon. Il est bon. Corentin, question. Au Danemark. Oui. On continue avec nos questions. C'est en rapport avec les États-Unis. On rappelle que t'as des petites origines des États-Unis. On y va. On démarre. Vrai ou faux, le Watergate, le scandale d'eau contaminée, a mené à la démission du président Nixon. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Oui, je sais pas. Mauvaise réponse. On continue. Vrai ou faux, en incluant les territoires dépendants, les États-Unis couvrent 8 fuseaux horaires. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Mauvaise réponse. Ah bon? Vrai ou faux, il y a environ 60 000 personnes dans les airs au-dessus des États-Unis à chaque instant. Vrai ou faux? Quoi? Désolé. Vrai ou faux, il y a vrai, environ 60 000 personnes. Vrai. Vrai? Bonne réponse. Oh merde. J'ai pas eu encore points. Une question, maître Amphoros? Oh oui, exactement. Vrai ou faux, le bateau qui a transporté les premiers colons s'appelait My Flower. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Bonne réponse. Bah du coup une question égalité. En plus. Ouais, égalité. Égalité oui. On y va, on continue. Dernière question, tout se joue là-dessus. Les femmes américaines ont obtenu le droit de vote en 1920. Vrai ou faux? Ça me paraît quand même vachement tôt. Hein. Je dirais faux. Mais je sais pas. On écoute si c'est une bonne réponse ou pas. Mauvaise réponse. Bon, je vais les écouter. Ils l'ont obtenu en 1920, le 18 août 1920. Donc, ah ouais. Raté. Bien. Ce que je vais dire, c'est que vous partez tous les deux. D'accord. Vous fouillez absolument tous les alentours. Vous devez nous ramener combien de clés au total? 1, 2, 3, 4, 6 clés. Vous avez 6 clés à trouver. T'as même pas regardé si celle-là c'était la bonne. Vous avez un plan qu'on va vous remettre. Mm-hmm. Maître Amphoros vous donne le plan. Attention, on y va. On démarre ce jeu. Allez, c'est parti. Vous partez, vous avez tous un micro sans fil. C'est parti. Au pire, si celui-là ne fonctionne pas, vous prenez celui de Terrence. Voilà, tu sais comment l'allumer quand tu seras en dehors du studio. Mais tu pars aussi, toi. Bah, tu vas te trimballer avec le fil. Il allait prendre celui du studio avec le fil et le pied et tout le bordel. Allez, allez, on y va. Vous y allez. Oui. Et donc Corentin, toi tu es. Corentin, t'es le messager, tu dis ce qu'il faut parce que toi t'es en liaison, d'accord? Bien sûr, tout à fait. Allez, on y va, on continue. C'est parti. Oui, passe aux toilettes, je t'en prie. Et éteins ton micro. Allume ton micro surtout. voilà. Est-ce que tu es là, Terrence? Oui, il faut que tu m'appelles, Thomas, n'oublie pas. Ah oui, merde. Sinon, merde, t'entends merde. Pas. Ouais. Hop là. Maître Amphoros est là avec nous. Il va s'occuper de la liaison avec, avec nos deux candidats pour dire toutes les infos qu'il faut et rappeler en cas de coupure. Bien, nous sommes en direct. Nous dépassons depuis 7 minutes le timing de cette émission. Il est 22h07. Normalement, là, on est censé. Voilà. Est censé, voilà. Tu es là? Oui, je suis là. Ok. Donc, il ne m'entend pas bien parce que c'est notre ami qui a le. Quel téléphone. Donc dis-leur d'aller trouver les clés. Qui a le plan? Trouve les clés. Terrence qui a le plan. Terrence a le plan. Très d'accord. Bien. Terrence a le plan. Très bien. J'entends ce qu'il dit. Hein. Ah bah ça va. Très bien. Il est aux toilettes avec le plan. Terrence a le plan. Mais je finis pas avec Terrence. Il est aux toilettes avec le plan. Oui. Putain, il est toilette avec le plan, mais qu'il est con! Mais c'est pas grave, j'ai déjà commencé à chercher. Oui, cherche. Je sais pas du tout chercher, mais je cherche. Cherche, voilà, cherche l'émission média. Et ne tombe pas dans oh, les temps. Oh mon dieu, quel suspense! Ah, c'est trop tard ça. Oui, c'est vrai aussi. Allez, on y va, attention, c'est le Western ici qui a gagné cette émission. Vous avez pas déjà un indice ou quoi? Un indice? Mais non, tu as le plan, bouffon! Mais non, je l'ai pas! Putain, oui, mais il va te rejoindre! Oui, ben, ça se trouve, il est là pour un moment ou s'il est en train de chier ou je sais pas moi. Tu es là? T'es là ou t'es pas là? Oui, je suis là. Mais moi aussi, je suis là. Allez, Terence va te rejoindre. Je sais pas dans combien de temps, mais il va te rejoindre. J'espère, parce que là... Maître Enfoiré, c'est toujours avec nous en studio. J'espère que ça va. Très bien, très bien. Allez, Ah putain, comment ça... Tu te au milieu du chemin. J'en ai trouvé une. T'en as trouvé une? Oui. Félicitations à Corentin. Terence arrive seulement. Hein. Terence arrive seulement avec le plan. Il arrive tranquille en marchant, il a le temps. Déballe la clé, est-ce que c'est la bonne? Non, elle est 10 fois plus grosse. C'est pas la bonne. On continue, c'est parti. Allez. Vous devez trouver l'enveloppe 6. Trouver l'enveloppe voilà. 6. C'est celle l'enveloppe qui contient... 6. C'est je fais comment ensemble? C'est celle qui contient la bonne réponse. Voilà, Terence, elle a. Voilà. Est-ce qu'il a son micro qui est allumé, Terence? Non. Si, il a le micro allumé. Ah, ok. Voilà, donc il faut la 6. Je sais pas. Vous recevez Terence? Allô, André. Oui, on le reçoit. Oui, il faut okay. Super. Ok, il faut trouver la 6. Parfait. La 6 est la 6. Ici, près de l'étang. Près de l'étang. On tombe pas dedans. Hein. Putain. Et vous, attends, vous êtes éclairer, où? Vous êtes devant la radio là? On est loin. Éclaire sur tout le sol parce que tu sais, moi j'ai peur. Tu vois, l'étang il est là-bas et tantôt, là, le truc il était là. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Oui, c'est là que donc j'ai... on rappelle, ils sont à des mètres entiers ouais, de la radio. Parce que ça a coupé. Ah, j'ai froid aux pieds. Les amis, là. C'est que tantôt j'ai fait 15 fois le tour de l'étang, j'ai pas trouvé d'enveloppe. Corentin! Wow! Corentin, est-ce que tu m'entends? Corentin? Okay. Ah merde, la liaison a coupé. La liaison a coupé. Il est où l'étang là? C'est là. C'est ici? C'est là. C'est pour ça que t'es tombé dedans. Mais oui, j'avais l'étang, pas vu, j'avançais. L'étang, et tout, en fait, il attend. Thomas, je sais pas si tu me reçois. Oui. Je sais pas parce que. Ah. Voilà. Okay, oui, Thomas, oui, on te reçoit, on on t'entend. Réponds-moi si. Oui. Il me reçoit ou pas? Il me répond pas. Oui. Allô Thomas. Mais il est con, oh merde. Allô Thomas. Bah nous ne t'entendons pas. Allez. Je enfoiros. Bon oui on t'entend mais c'est pas grave. Bon on va essayer de trouver une solution. Approche-toi peut-être. Allô Thomas. Ça fonctionne pas. Bon bref. Oh purée je marche dans la boue. Oh il est chiant avec ses écouteurs. Oh merde. C'est plutôt la terre. Oui. Allez. Est-ce qu'il pourrait au moins décrocher à son téléphone? Ce serait intéressant. Thomas faut que tu me rappelles parce que ça va couper. Eh oui mais j'aimerais bien mais... Allez. C'est la catastrophe ici. Ouais, ça va. Sur la RFM. Ah, voilà, Thomas? Oui! Ah, on t'entend. Oui, une fois sur deux, tu m'entends, mais c'est à cause de tes écouteurs. Bah, ils t'emmerdent, mes écouteurs. Allez, s'il te plaît. Thomas, je viens de comprendre pourquoi est-ce qu'il est tombé dedans. Oui, mais on a entendu. Ok, ils ont entendu, qui dit. On a entendu pourquoi? Prévenez pour la clé. Voilà. Donc, mais c'est pas l'enveloppe qui a disparu parce que la 6 c'est celle qui est près de l'étang. Mais justement, hein. C'est ce qu'on essaie de donc, vous attends. Dire. La 6, elle est peut-être sur le plan, mais elle a bougé. Ouais, non. Ah, la 6, elle a bougé en fait. Elle est sur le plan et elle a bougé. C'est celle qui a disparu. Ah oui. Il y a la bonne clé. Ah, on rappelle que super. Bon, ben, émission 20h, 23h. Thomas Jadoul. Allez, super. On rappelle que Terence éclate est... près des arbres. Je pense qu'à mon avis, il faut chercher en plein milieu. Ils ne le mettront jamais. On rappelle que Terence est. Peut-être envolé. Peut-être baisser leur micro. Ah oui. Ah, c'est pas. On rappelle que Terence et Corentin sont à l'extérieur. Ils sont complètement dans le noir et ils doivent trouver une clé. On les rebascule à l'antenne. Oui. On cherche. Vous êtes là, les gars? On est là. Nous avons actuellement 4 clés ici qui ne sont pas les bonnes. Voilà, 4 clés qui ne sont pas les bonnes. Vont-ils trouver la clé qui va déverrouiller la vitrine de Jadoul, celle avec tous les cadeaux pour les auditeurs? Continuez à vous inscrire pour gagner tous les cadeaux au +32 49 9 15 75, prix d'un SMS normal, gratuit pour ceux qui sont sur iPhone. Allez, on y va. Est-ce que vous trouvez? Voilà, ça se trouve, c'est clé qui a fait la merde. Est-ce que vous trouvez? Il a mal fait son plan. Et bah oui, c'est ça quoi. Vous trouvez? C'est dingue. Ah merde, ils m'entendent plus de nouveau. Oui, Thomas, on t'entend, on retrouve pas, non? Ah oui, mais il faut me répondre à un moment quand même. Ah oui, mais bon, on est en pleine discussion. Maître Foireuse va les laisser. Courez, on est super à la bourre, on doit rendre l'antenne. Mais oui, mais déjà, si vous saviez, vous avez mis vos clés. Si vous voulez, Maître Foireuse va vous rejoindre. Oui, Maître Foireuse, il a vraiment tout foiré. Allez, il vous rejoint. Allez, il part, je suis seul dans le studio maintenant. Tous les trois sont à la recherche actuellement d'un... Oui, mais j'ai raccroché, oui, c'est normal. Je vais appeler avec le standard Kylian. Je vais le basculer à l'antenne lui avec son téléphone en espérant que ça va fonctionner de cette manière-là. Voilà, je l'appelle en direct voilà, tous les moyens sont bons en direct. Donc, il va répondre normalement. Allez, on est en direct. Et vont-ils réussir à trouver les 6 clés manquantes? Ils en ont déjà trouvé encore une, donc il en reste plus que 5. 5 clés à trouver. Oui, voilà, je suis avec Kylian en ligne. Ouais, ok. Je suis en train de prendre une grande lampe. Qu'est-ce que tu dis? Thomas me rappelle aussi. Je prends une grande lampe. Tu prends une grande lampe? Oui. Parfait. D'accord. Et tu pars avec ton téléphone aider nos deux amis qui sont actuellement à l'extérieur. Obligé de rester à deux? Oui. Ah, je viens de rallumer le micro de Terence. Pour s'éclairer. Voilà. Alors, on se passe en direct. Moi, je suis tout seul dans le studio, je ne vois rien de ce qui se passe. Hein. Maître Enforos va les aider. Je vois Kylian, là. Voilà. Eh ben, Kylian, dis-leur que c'est toi qui assure la liaison. C'est moi qui... Ah oui, je suis même pas près d'eux. Ah, merde. C'est moi qui assure la liaison, les gars. Oui. Oui. Tu sais me passer... T'as une lampe de torche ou quoi? Ben, c'est celle-là, je la prends. Ouais, je la prends, moi. Mais attends, donc on cherche à trois, là. On cherche à trois, oui. Mais je vais monter pour demander encore une lampe. Il n'y a pas d'autre lampe. Il n'y a pas d'autre lampe, c'est rempli, Thomas dit. Ah, ok. Voilà. Donc vous êtes tous les trois à l'antenne, j'espère que ça se passe bien. Oui. Attends, Corentin est au fond. Tiens, prends la lampe là, tu dois tourner pour faire du courant. C'est une lampe à dynamo. Il lui a donné une lampe à dynamo. Kylian vient de renverser la nourriture pour oiseaux. Un truc à... Oh merde! Mais détruisez pas chez les gens, hein! Il y a plein de graines partout. Ah, mais toi t'as une lampe aussi en fait. Oui, j'ai Ah, mais génial, comme ça on pourra vraiment séparer en trois. Alors... Allez, nous sommes en direct, qu'est-ce qui se passe? Décris-moi, Kylian! Attends, j'ai un peu plus de son parce que là j'entends. Parle un peu. Allez, décris-moi, Kylian! Alors là, je suis. On entend la lampe derrière! Bah oui, ça s'étonne avec ton micro! Désolé, j'avais besoin de charger la lampe. Alors là, on est dans la partie. La deuxième partie, donc tout au fond, qu'elle détend. On cherche après, après rien. Vous cherchez après. Maître Enfoiros! Oui. Prenez le micro de Terence, comme ça vous commentez en direct ce qui se passe et vous pouvez les aider, comme ça ils ont les mains libres. Très bien, Terence? Ouais. Voilà, on le tire de l'antenne parce que la liaison micro c'est pas top. Voilà, c'est celui-là. C'est parfait, merci. Bon, normalement la clé était ici. Normalement. Voilà, on n'est pas. C'est ça le problème. On n'est pas à l'abri qu'il y ait eu des modifications. Il est 22h16, nous sommes toujours en direct. L'émission part complètement en cacahuète car on n'a toujours pas trouvé les clés de la vitrine. Voilà. Bon, elle était là. Allez. Elle y est plus. Ou alors elle s'est peut-être envolée dans le buisson. Dans le. Terence me fait tomber. Allez-y, trouvez. Oui, mais. Alors. Il est toujours pieds nus, Terence. Terence est toujours pieds nus, oui. Oh mon dieu. Je ne sais pas comment il fait. Ouais, mais lui. Lui, il peut tout faire. Bon. Par contre, Terence, viens pas ici, sinon je crois que tu vas avoir les pieds troués. D'accord. Corentin, il en est où? Corentin, il est en train de chercher. C'est bien. Ok. Tu l'as trouvé? Mais qui est ça le type? Est-ce qu'il y a une clé qui a été trouvée? Bah c'est ce qu'il nous a dit, oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Bah bravo. Par contre, le miroir que j'ai... La lampe. Non, le micro que j'ai en main est un peu pâteux. Un peu pâteux? À mon avis, il avait de la postelette. Ah non, non. Oh non. Si. La bonnette. Je rigole pas. Oh non. Bah si, t'as non, alors c'était... Oh là là, mon dieu. Bon. Voilà, nos aventuriers sont toujours à l'extérieur, en direct. Il est 22h17, ils n'ont plus que 3 minutes pour tout trouver. Ah non, attention. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Un bout d'enveloppe. Alors tout ça... Alors l'enveloppe a été découpée. Non. C'est volontaire. C'est Terence qui jette ses papiers dans le jardin, c'est rien. Ah bah oui, c'est chez les gens, c'est pas grave. Voilà. Ok, très bien. Mon dieu, mais cette émission part... C'était une ancienne enveloppe, c'était... Ah, mais c'était une émission... C'était une enveloppe Hilar FM. C'était une enveloppe Hilar FM, oui. D'accord. Mon dieu. Bien. Enfin, bien, oui. Il y a peut-être une enveloppe qui est devant la radio. Ah. Maître Enfoiros, je sais pas. J'ai plus le plan. Non. Je sais où sont les autres enveloppes, mais... Ça passait la couche. D'accord. Quand on peut déjà sortir les autres. Mais trouvez toutes les enveloppes possibles. Ok. Allez, vont-ils arriver, nos aventuriers? C'est là, c'est Jadoul Express. Là, c'est pas Pékin Express, c'est Jadoul Express. Une enveloppe de trouver, c'est pas la bonne. Une enveloppe de trouver, messieurs dames, vous entendez bien, une enveloppe deux de trouver. Enveloppes de trouver. Félicitations à vous. J'espère que c'est la bonne. Non, bah non, c'est pas la bonne. C'est moi qui les sors. Oh non. Hop, deux, trois. Un carton. Hop, de quatre. Projecteur. Oh merde. Allez. J'ai la 4. On part pour la dernière, là, on est bien d'accord. Oui, j'ai la 8, la 4, la 2, la 2. Et donc, la, l'enveloppe gagnante, c'est la 6. Oui. Ah, quelqu'un avait déjà déterré celle... Ah non, elle est là. Ça, c'est l'autre, c'est laquelle? C'est la 9. Donc... Une là. Voilà. Voilà, ils sont toujours lâchés en pleine nature, ils ne savent pas où se trouve la... Il reste combien de clés à trouver? J'en ai combien, là? Attends. Tiens, il me fait revenir à la position de départ. Alors, J'en ai 5, non, 1, 2, 3, 4, 5, si. J'en ai 5. D'accord, 5. Et donc, ici en studio, bah, il en reste une, mais c'est Terence qu'il a dans sa poche. Bah non, il a trouvé la moitié du papier qu'il a déchiré, qu'il a acheté dans le jardin. Ah d'accord, et vous êtes chez les voisins, là? Là, non, on est toujours dans le jardin du studio. Ah, bah c'est énorme. L'immense jardin du studio. Voilà, où il y a un étang foireux. Où il y a un étang foireux. Il y a combien d'hectares là-dedans? Beaucoup trop. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Que j'ai été caché et que je ne retrouve pas. Je veux pas vous affoler, hein. Oui, on se dépêche. Ben vas-y, toi, descends, viens chercher au lieu de rester dans le studio. Mais je veux bien. Les voisins. Arrête. Grand-mère. Arrête. Pensez aux gens dans la rue. Il y a comme des gens qui habitent à côté. Pensez aux gens dans la rue. En plus, on est dans le noir avec une lampe torche. Je vais t'aider à gueuler. Il y a des gens qui vont appeler la police. Ben oui. Attention. Oui, alors là, je suis près de l'étang. Si vous entendez plouf, c'est moi. Ok, donc là, ils sont toujours en pleine rue. On ne sait pas où ils sont. Oui. Allez. Non, je ne l'ai pas changé. Ou alors, je l'ai oublié dans ma poche, mais... Maître Enfoiros. Oui. Je vous propose de revenir avec le micro de Corentin. Oh putain. Pardon. Non, c'est vrai, je vais marcher. Kylian, prends le micro de Corentin. Donne-lui le tien. Mais c'est plein d'eau ici. Ben oui. Voilà. Donc voilà, et prends le micro de Corentin. Tu l'as? Il faut se dépêcher, les gars. Kylian, se dépêcher, redescends de nouveau. T'es bien dans ton studio. Allez les enfants, vous. Il faut... Les enfants. Ça va aller, oui. Non, les amis, il faut juste que Kylian revienne avec un micro. Je reviens avec un micro. Cours, viens, laisse les chercher. Je cours, je suis là. Voilà. Et laisse-leur ton téléphone, sinon ça va pas aller. Oui, mais j'ai 19% de batterie. Ouais, mais ça je m'en fous. Allez, c'est parti. Hop. S'il vous plaît. Donc Kylian court vers nous en ce moment. Il va revenir avec un micro. 16% de batterie. Voilà. Donc il va se dépêcher parce que on a une révélation à faire sur l'emplacement exact de la bonne clé. Attends, c'est quoi ce bordel là? Comment donc, ça une révélation sur l'emplacement de la bonne clé? Oui, parce qu'on connaît l'emplacement de la bonne clé. Mais c'est celle qu'on cherche, non? Oui, c'est celle que vous cherchez. Elle est où? Ah ben ça je vous le dirai pas encore. Connard. Mais non. Va te faire foutre. Merci, c'est gentil. Ça va vous? Non. Merci. Bon. Non. Alors, c'est bien. La gueule. Merci. Alors, Kylian, il est en train de revenir avec un micro. Il t'entend pas. Oui, il en est où là? Mais c'est mieux pour lui. Il en est où lui? Je sais pas. Oh. M'en fous, c'est pas mon problème. Ah mais si, allez. Allez, ah, où c'est? J'entends Kylian qui revient. Je vais avoir une petite conversation hors antenne avec lui. Voilà, vous continuez à chercher, commentez ce que vous faites, gentiment. Eh ben on cherche. Dans le noir, dans le froid, dans la boue. Ok, très bien. Et donc, on va vous donner un dernier indice. Alors? Oui. Attends. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, l'indice. Mais vous cherchez plus? Mais si. Ah ben. Eh ben, c'est quoi l'indice? Allez, ben il va arriver avec un nouvel indice. Voilà, il vient de partir des studios. Je viens de parler avec lui en antenne parce que, en fait, il y a un endroit que vous n'avez pas fouillé qui n'est pas sur le plan. Qui n'est pas sur le plan. Et c'est où ? Ben, il va arriver, vous le dire. Mais pourquoi dis-le nous ? Mais vous, je vous le dis pas, vous êtes fou. Mais si, dis-le nous ! Mais non ! Mais si ! Sinon, ça casse tout le suspense. Ah ouais, peut-être devant. C'est devant ? Je sais pas. Ouais, mais c'est ça, c'est devant. Sinon, tu l'aurais pas dit. Oh, file. Attention à vous, hein. Voilà. Si vous avez. C'est la... c'est moi qui ai trouvé, hein. Mais non, allez. Si. Vous avez la clé ? Non ! Ah, bah allez, trouvez-la ! Mais on cherche ! Elle est pas loin ! Mais sans blague. Je suis sûr que nos aventuriers vont trouver la clé d'ici quelques instants. Ce n'est qu'une question de secondes. Avec Maître Enfoiros alias Kylian Wolfring qui va leur indiquer un nouvel emplacement. Bon, il a porqué où cette clé ? Je ne sais pas. À si vous de trouver. À vous. Je ne suis pas au courant. Crache le morceau. Je vous invite à fouiller, car la réponse est sous votre nez. Car on rappelle que c'est la grande fouille. La grande fouille. Ah, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé ? Oui, enfin j'ai une enveloppe. Est-ce que c'est la bonne enveloppe ? Est-ce qu'il y a une clé dedans ? Oui, on dirait, oui. Et mon père qui est juste devant qui m'a posé une question. Félicitations, bravo ! Donc tu as la bonne enveloppe ? Ben j'en sais rien, moi j'ai pas testé la clé. Mais est-ce qu'il y a une clé dedans ? Mais oui ! Remontez tous dans le studio rapidement, on va vite contrôler si c'est la bonne clé de la caverne. Ça a l'air d'être celle-là. Ça a l'air d'être celle-là ? Ouais, mais il faut faire le tour. Ah merde. Ah ouais, bah... Allez. Ouais, attention. Bande d'enfoirés. Hein ? Bah, merci. Est-ce qu'il y a moyen de rapporter un essuie-tout au passage parce que mes pieds sont pleins de boue ? Bah on a un essuie. Magnifique. On a un essuie. C'est trop gentil, presque. Donc, vous remontez dans le studio, là, hein ? Tout à fait, oui. C'est parfait. Allez, attention, vont-ils revenir avec la bonne clé ? C'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants dans Jadoul, toujours en direct sur Glare FM. J'espère que vous passez une belle soirée en notre compagnie. Le suspense est entier, le suspense est à son comble, si on peut dire ça comme ça. On est en retard pour rendre l'antenne de 26 minutes. Je sais pas comment on a fait ça, je vous le dis très clairement. Allez, et ils sont en train de revenir, là, je les entends. Je m'entends à travers les couloirs d'Hilary FM, toutes les portes sont ouvertes. On entend quelque chose pour les entre pieds les studios. Oui, Kylian s'est trouvé des essuies sûrement. Voilà, attends, ça va arriver. Il y a seulement tilté qu'il fallait un essuie. Ah ok, très bien. C'est pas grave, ils vont à leur rythme. C'est l'essentiel en tout cas, tant qu'ils sont là, c'est le plus important. Bien, remontez, Quentin remonte déjà. J'arrive. Et il laisse la clé à Terrence. Je cours. Voilà, il arrive. Je suis là. Ok, donc t'as le téléphone ou pas ? Ouais, donc oui. C'est raccroché, c'est bon. Viens, c'est Kylian qui a... Tu peux retourner à ta place. Donc, qui a la clé ? Moi ? Tu as la clé ? Bah oui. C'est magnifique, on va voir si c'est la bonne clé qui ouvre la grande grotte Hilary FM avec absolument tout à l'intérieur. Est-ce que Kylian et Terrence pourraient se dépêcher ? Bande de fainéants. Kylian est là, il arrive. Et est-ce qu'on a des nouvelles de Terrence ? Voilà, Kylian fait le tour du studio. Il s'essuie les pieds. Il s'essuie. Il est parti avec sa chaise dans le truc. Tu peux retourner à ta place, Corentin. Juste me laisser la clé. Messieurs, dames, j'ai la clé qu'ils ont trouvée, la dernière clé, entre mes mains. Est-ce la bonne clé qui va ouvrir la vitrine ? Et vous allez découvrir quel était l'objet du peuple qui a été dissimulé dans cette vitrine, parmi tous les cadeaux Hilary FM que vous allez gagner. Quelqu'un peut savoir où Terrence en est ? Terrence est là, il arrive. Voilà, on n'attendait plus que lui. Ça va ? Il paraît qu'il transpire ou il sent mauvais, je ne sais pas. En tout cas, il fait des signes comme s'il puait. Donc, j'espère que ça va. Allez, vous ferez vos discussions hors antenne juste après. Les amis ? Je suis là ! Tu es là. Comment ça s'est passé ? Bon... Comment ça s'est passé tout seul pendant que t'étais tranquille dans ton studio peinard avec la climatisation, oh. Disons que ça s'est passé assez mal, surtout que j'avais les pieds trempés dans l'étang, j'avais de la boue jusqu'à la cheville, c'est insupportable. Oui mais moi j'ai élaboré le jeu donc je mérite du repos. Ouais mais le pire c'est que tu savais où était l'enveloppe depuis tout à l'heure. Oui bien sûr évidemment, si j'ai créé le jeu je sais où est l'enveloppe. Donc on va découvrir maintenant ensemble avec la serrure de la caverne, de la grotte. comment s'appelle déjà la caverne au cadeau de Jadoul. C'est... Mais franchement, ouais, c'est la prochaine fois, c'est toi qui y vas. Oui. Non, ah, il ça, a... non. On est d'accord, il a dit oui. Kylian, il a dit oui, il a dit oui. T'as pas une émission avant Jadoul, Kylian? Mais Maître Foireuse, vous êtes témoin, il a dit oui. En Foireuse. La vanne, elle marche pas. Maître Foireuse. Non, monsieur Jadoul a dit oui. Tout à fait. Je peux vous sortir de l'antenne à tout moment. Faites attention. Ok. Les amis, il est l'heure d'ouvrir la serrure de la grotte. Passe-partout, c'est à toi. J'en profite pour dire que mon père est devant. Il m'attend depuis tout à l'heure. Vous entendez la clé. Vous entendez la clé. Je m'approche de la serrure. Est-ce que leurs efforts ont mérité l'ouverture de la porte? Je suis sûr qu'il a même pas pris la bonne clé, ce bâtard. Je suis sûr qu'il a pris un truc, ça ouvre même pas, on a même pas de cadeau. Maître Foireuse, rapprochez-vous. Et vérifiez bien que je prends la clé de Terence Bernard que j'ai dans mes mains. Vous l'entendez? Je l'entends. Voilà. Est-ce que c'est la bonne clé? C'est effectivement... Vous la reconnaissez, c'est toujours bien celle que vous avez. Oui, c'est ça. Et comme je suis magicien, je la fais disparaître. Non, je peux... Faut que je la sente. Voilà, et il va la sentir. Elle sent comment? Si c'est moi, elle sent mauvais. Elle sent les pieds. Attention. Mais c'est effectivement la bonne. Voici la réponse. Je rentre la clé dans la caverne au cadeau de Jadoul. De la caverne au cadeau. Ah. I'm gonna rock you. Bonne réponse, c'est la bonne clé. Félicitations, vous avez eu la bonne réponse, donc bravo à vous, vous pouvez être très fiers en tout cas d'avoir fait ce tout nouveau jeu qui, on le rappelle, s'appelle... La Grande Fouille. Félicitations à vous. Vous remportez des dragibus. Non, dans... Moi je veux bien. Dans la caverne, il y a... Attention, voici le listing. Une encyclopédie Larousse, non, j'ai connu. Dans la caverne, l'objet du peuple qu'il y avait. D'ailleurs, on a même peut-être, je pense, un petit jingle. L'objet du peuple. Il s'agissait, restons dans le thème, d'une serrure. Une serrure qu'on met dans les portes. Vous l'avez ici en main, vous pouvez l'entendre. Ça, c'est le bruit. Ah, il y a un orage aussi. Non, c'est donc une serrure, voilà, une serrure de porte. C'était ça l'objet à deviner. Je pense qu'il y en a qui l'ont deviné dans le standard. On va lancer une recherche dans le système informatique qui est relié à tous les SMS qu'on a reçus au plus 32 49 9 15 75. C'est parti. Réponse n'a pas été donnée par nos auditeurs. Ils n'ont pas su reconnaître ce que c'était l'objet, donc ils n'ont pas trouvé que c'était une serrure, donc c'était presque ça. J'espère que ce sera pour une prochaine fois, pour vous en tout cas, mais en tout cas, c'était une belle fouille, en tout cas de votre part. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, je pense que tout est dit. De tout votre côté dit, aussi. Oui, Maître Enforos a bien vérifié que le jeu était honnête. Le jeu était vraiment honnête. Pas très bien, champ. D'accord. Mais on a quand même perdu l'une des clés. C'est pas grave. En tout cas, Quentin, tu es là avec nous la semaine prochaine? Je ne sais pas encore. Terence? La semaine prochaine, on est le 14, je ne serai pas là. Merci. Il a la grippe. Bon, bah, on sera avec Kylian, en tout cas, on se rend très grande forme. Alors, le 14, je... Allez, n'oubliez pas que dans votre vie... La vie est belle, aussi belle que toi. Et je pense qu'avec 33 minutes de retard, ce qui est un record pour rendre l'antenne, on peut le faire tranquillement. Je vous remercie d'avoir été là, fidèle chroniqueur de toutes mes émissions, que ce soit sur TMS ou sur Ilar FM. C'est grâce à vous qu'on peut faire tous ces contenus. Je pense qu'on s'est bien marré. On va publier tout. C'était sur super. Les podcasts et tout. Donc félicitations à vous. Je pense que vous pouvez vous applaudir carrément. Voilà. En direct. Et lui avec son micro, il a deux micros dans chaque main. Une horreur. Allez, merci de nous avoir suivis. Vous étiez dans Jadoul, la première émission du samedi soir. Merci d'avoir été avec nous en direct. On se retrouve dans 7 jours pile. À bientôt. What's the sense in sharing this- this one and only life.